Voici quelle sera la distribution de la comédie de Georges Feydeau, Le Dindon. Jean Meyer, Vatelin. Louis Seignet, Pinchard. Pontagnac, Jacques Charon. Robert Manuel, Soldignac. Robert Hirsch, Rédillon. Georges Baconnet, Jérôme. Marco Béard, Le Gérant. François Vibert, Le Deuxième Commissaire. Tony Jacquot, Jean. Michel Galabru, Le Premier Commissaire. Jean-Paul Roussillon, Victor. Et Gisèle Casazzu, Lucienne Vatelin. André de Chauvron, Madame Pinchard. Denise Noël, Maggi, Soldignac. Marie Sabouret, Armandine. Françoise Angèle, Clara, et Geneviève Martinet, Clotilde Pontagnac. Mise en scène de Jean Meyer. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Mais si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité! Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Ni moi non plus, madame, ni moi non plus. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Oh, madame. Oh, monsieur. Oh, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Oh, Lucienne. Oh, monsieur, je vous défends, mais qui vous a permis? Vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Écoutez, monsieur, je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Ah tiens, vous avez un mari? Parfaitement, monsieur. C'est bien, laissons cet imbécile de côté. Vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien, monsieur. Crépin! Oh, fichu nom. Crépin! Tu m'appelles, ma chère amie? Vatelin, fiche! Tiens, Pontagnac, ce cher ami! Hein? Ah, ce bon Vatelin! Ça va bien? Mais très bien! Il le connaît? Eh bien, voilà une surprise! Comment, oh, voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez vous attendre à m'y trouver! Hein? Oh non! Oh. Enfin, je veux dire, voilà une surprise que je vous fais! Hein? Ah oui, par exemple! Oh, tiens, elle est forte! Comment tu connais, monsieur? Si, je le connais! Ah, oh, s'il me connaît! Tenez, voilà 20 francs, mais pas un mot, pas un mot. Monsieur, hein? Que voulez-vous que je fasse de ça? Hein? Oh, je vous demande pardon, je ne sais plus ce que je fais, je perds la tête. Ah, ce brave ami! Vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible. Moi qui avais renoncé à l'espoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui m'aviez si souvent promis. Oh, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur. N'est-ce pas? Je vous dis, c'est très gentil d'être venu. Et surtout de cette façon-là. Ah oui, mais surtout de cette façon-là. Ah, vraiment, madame? Ça y est, elle se fiche de moi. Non, mais j'y pense. Vous ne connaissez pas ma femme? Bah, ma chère Lucien, je te présente un de mes beaux amis, monsieur Fontaine. Ma femme. Madame. Au fait, je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. Mais pourquoi ça? Dame, c'est que c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'éternel. Ah, tu ne le connais pas? Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Toutes? Ce n'est pas très flatteur pour chacune. Oh, madame, il exagère. Dites donc, je crois qu'elle vous pêche. Je crois que oui. C'est aussi, messieurs, il faut que vous ayez une bien piteuse opinion de nous à voir la façon dont certains d'entre vous nous traitent. Encore pour ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisance, ça témoigne d'une certaine déférence. Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Allons, bon, voilà autre chose. Mais ça, quels sont ceux qui suivent dans la rue? Les gâteux, les gigolos et les imbéciles? Choisissez! Oh, mais madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites... Mais je crois que ce n'est pas de la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre. Alors là, elle va trop loin. Il y a un homme qui te suit? Tout le temps. Mais si nous parlions d'autre chose, je crois que cette conversation... Ah, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris. Oh, mal élevé, c'est plutôt... Enfin, si nous parlions d'autre chose, hein? C'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans exposer aux impertinences d'un polisson. Vatelin! Quoi? Vous allez trop loin. Jamais trop. Je vois qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé. Oui, bien, mais c'est très facile, n'est-ce pas, monsieur de Pontagnac? Oh, mon Dieu, madame. Quelle heure est-il? Comment il le connaît? Mieux que personne. Dites-nous donc son nom, monsieur Pontagnac. Moi, madame, mais comment voulez-vous? Mais si, monsieur, voyons, il s'appelle Pont-Pont-Ponta. Allons, voyons, Pontacoua. Ah, Pontacoua, oui, c'est possible. Pontagnac. Pontagnac? Vous? Eh bien, oui. C'était moi. C'était moi. Ah, farceur! Mais je savais à qui j'avais affaire. Je savais que c'était madame Vatelin. Alors je me suis dit, je vais un peu l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre. Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari. Ratata, vous ne savez rien du tout. Et bien voilà, ça vous apprendra à suivre les femmes. Vous tombez sur la femme de la nuit, vous êtes bien avancé. C'est votre leçon. Eh bien, je l'avoue, vous ne m'en voulez pas au moins. Bon, alors si quelqu'un peut être embêté, c'est vous. Moi? Madame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas de clair. Ah, mais pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Le plaisir partagé, croyez-le bien. Vous êtes trop aimable. Pas du tout. Ils sont touchants, tous les deux. Je suis vraiment heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Madame, vous avez dû me trouver bien coupable. Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires. Célibataire, oui, mais il est marié. Non. Si. Marié, vous êtes marié? Oui, un peu. Oh. Oh, monsieur, c'est affreux! Ah, vous trouvez? Mais c'est épouvantable, comment se fait-il? Ah, ben que voulez-vous, un beau jour on se retrouve chez le maire, on ne sait pas comment, par la force des choses. Il vous pose des questions, vous répondez oui parce qu'il y a du monde. Et quand tout le monde est parti, vous êtes marié et c'est pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes sans excuse. De m'être marié? Oh non, monsieur, de vous être conduit comme vous l'avez fait, étant marié. Je ne connais pas madame Pontagnac, mais je la plains. Ah, qu'il dites-vous, madame? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre. Vous devez la plaindre bien souvent. J'espère que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener madame Pontagnac. Ma femme et moi nous serons enchantés de faire sa connaissance. Ma femme, non, par exemple. Mais comment donc? Mais certainement. Je serais très heureux, et elle aussi. Ah. Malheureusement, il n'y a pas à y penser. Pourquoi cela? À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes. Vraiment? Oh, elle ne sort jamais. Quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture, il y a un homme qui la traîne. Un homme qui la traîne? Non, un homme. Ah, mais c'est encore pire, mais je ne savais pas. Combien c'est pénible! À qui le dites-vous? Oh, c'est vraiment dommage, mais nous irons la voir, si vous le permettez. Mais comment non? Mais certainement! Où demeure-t-elle? À Pau, dans le Béarn. Ah, diable, c'est un peu loin. Oui. Oh, il y a des express. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le midi lui est recommandé pour sa santé. Oui, il faut l'y laisser. Enfin, nous regrettons, monsieur. C'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Oh, mon corot! J'ai acheté un corot hier. Ah oui? 600 francs. Ah bah c'est pas cher, il est signé? Il est signé. Il est signé Poitevin, mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Vous m'en direz quand? Alors je fais enlever Poitevin, il ne reste que le corot. Voilà, j'y vais faire passer dans mon cabinet. Demande pardon, mon cher ami, le temps de recevoir mon marchand et je suis à vous. Tenez, je vous montrerai mes tableaux. Vous êtes un homme de goût, vous me donnerez votre avis. C'est ça. Et voici le suiveur et la suivie tête à tête. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez. J'ai dû vous paraître ridicule. Croyez-vous? Ah, vous êtes moqueuse. Enfin, qu'espériez-vous en me suivant avec tant d'acharnement? Mon Dieu, ce que tout homme espère de la femme qu'il suit, qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. Ah, c'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensiez de Voltaire, il est probable que vous ne me croyiez pas. Tenez, vous m'amusez. Ah oui? Et dites-moi, ça vous réussit ce petit manège? Il y a vraiment des femmes qui... Il y a des femmes qui... 33,33%. Ah. Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance. Vous êtes tombée sur une des 66,66%. Oh, madame, ne m'en parlez plus. Si vous saviez combien je suis mari. Avec deux R, prononcez bien. Avec deux R, oui. Oh, sachez bien qu'avec un R... Vous l'êtes bien un peu. Bon, fait ce qu'on peut, hein. Et que voulez-vous, c'est un malheur, un tempérament comme moi. C'est plus fort que moi. J'ai la femme dans le sang. Écoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire. Pas même à mon mari. Je n'en demande pas davantage. Eh bien... Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. Oh, voilà une idée. Reculez-vous. Reculez-vous donc! Pardon. C'est un excellent garçon, je l'aime beaucoup. Je vis ça tout de suite. Entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. Non, mais dites donc, c'est mon mari. Ah, vous voyez bien que vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Un mari, mais qu'est-ce que ça prouve, un mari? Mais tout le monde peut être mari. Il suffit d'être agréé par la famille ou d'avoir été admis à son conseil de révision. On demande que les aptitudes, comme pour être employé de ministère ou chef de contentieux, tandis que pour l'amant, il faut l'au-delà. Il faut la flamme. C'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que rond de cuir. Ah, et c'est sans doute comme artiste de l'amour que vous venez. Ah oui. Eh bien non, cher monsieur, non. Je vais peut-être vous paraître ridicule, mais j'ai la chance d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir et ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Je ne demande donc rien de plus. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah, parce que s'il allait porter... À l'extérieur Ah, là, ça ne serait pas la même chose. Ah, mais j'irai jusqu'au bout. Même que vous êtes bonne. Je n'ai pas de quoi. Jamais la première, mais la seconde, tout de suite. Je le disais dernièrement. Ah. Oui. Une de mes cousines qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. Une cousine. Radio. Arrivez donc, cher ami, et venez à mon secours pour édifier monsieur. Monsieur Ernest Trédillon, monsieur Pontagnac, ami de mon mari, réciproquement. Dites à monsieur, vous qui me connaissez, que je suis le modèle des épouses, et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin, même s'il m'en donne l'exemple. Ah, comment? Pourquoi cette question? C'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur? Ah, c'est monsieur qui... Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là bien dans l'intrus. Pas du tout, puisque je vous appelle à mon aide. Nous badinions. Ah, c'est ça. C'est ça, oui. Et monsieur est sans doute un vieil ami. Un intime. Bien, je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez. Mais ayant trop le respect des femmes, pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Ouh, mais il a l'air de vouloir me donner une leçon, ce petit jeune homme. Vatelin n'est pas là. Si, il est en tête à tête avec un corot. Je vais même voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage, je vais le ramener. Je vous ai présenté, vous vous connaissez, je vous laisse tous les deux. Pontagnac et Rédillon s'inclinent. Lucienne est sortie par la droite. Les deux hommes se toisent à la dérobée et en silence. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Puis, scène muette, Rédillon sort son mouchoir, contemple un tableau. Pendant que l'autre en contemple un autre, l'un joue avec le mouchoir, l'autre avec ses gants. Et toujours, même jeu de scène, ils se regardent à la dérobée. Pontagnac prend un livre sur le bureau, l'ouvre. C'est la meilleure réponse que Rédillon puisse faire à Pontagnac. Allô ? Monsieur ? Je croyais que vous me parliez. Pas du tout, monsieur. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Et les voici assis assez loin l'un l'autre. Rédillon sort un journal de sa poche. Il le lit en agitant frénétiquement sa bottine. Immédiatement, geste analogue de Pontagnac. Et mon mari vous demande, monsieur Pontagnac, il tient absolument à vous montrer son corot. Ah, il tient. Oui, tenez, c'est par là. Monsieur, ne désire pas venir aussi? Moi, monsieur, non. Non. Non. Non, monsieur n'est pas amateur de tableaux. Ah, alors, ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous, cher ami. Merci. Je suis venu en voiture. J'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose? Vous ressemblez à un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffonne. Moi? C'est ça qui m'est égal, par exemple. Si vous croyez que je m'occupe de ce monsieur... Je croyais. Ah là, si je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Puisque vous ne vous occupez pas de lui. Oh, pardon, si je suis indiscret. Je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour. Oui. C'est du propre. Vous avez donc un privilège exclusif. Oh, ce n'est pas la même chose. Moi, je vous aime, moi. Il en dit peut-être autant. Ouais, allons donc. Monsieur, vous connaissez depuis 10 minutes? 20. Oh, 10, 20, je ne suis pas à une minute près. Il m'a été présenté il y a 20 minutes, mais de vue, je le connais depuis bien plus longtemps. Il y a 8 jours qu'il me suit dans la rue. Non! Si. Voyou! Merci pour lui. Mais c'est votre mari qui trouve spirituel de vous le présenter. C'est charmant. Ah non, c'est Marie. On dirait qu'ils le font exprès de se créer des dangers à eux-mêmes. Non mais dites donc, Rédillon. Je dis ce que je pense. Et alors, quand il leur arrive ce qui peut leur arriver, ils viennent se plaindre. Mais quelle manie a-t-il, Vatelin, d'introduire toujours des hommes dans son ménage? Enfin, est-ce que nous en avons besoin, voyons, hein? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? Non, c'est vrai, je ne peux pas voir un homme tourner autour de vous. Ça me rend fou furieux. Je ne peux pourtant pas lui dire ça à votre mari. Oh, mais calmez-vous, mon ami, je vous en prie. Oh. D'ailleurs, je savais qu'il m'arriverait malheur aujourd'hui. J'avais rêvé que toutes mes dents tombaient. J'en avais déjà perdu 45. Et à chaque fois que je rêve que mes dents tombent, ça ne manque jamais. La dernière fois, on me volait une petite chienne à laquelle je tenais beaucoup. Aujourd'hui, on cherche à me voler ma maîtresse. Votre maîtresse, non mais dites-donc, je ne suis pas votre maîtresse. Vous êtes la maîtresse de mon cœur. Et cela, personne, pas même vous, ne peut l'empêcher. Du moment que vous dégagez ma responsabilité... Oh, Lucienne. Lucienne, jurez-moi que vous n'aimerez jamais cet homme. Cet homme, mais vous êtes fou, mon ami. Mais est-ce que je le connais seulement, cet homme? Est-ce que je fais attention à lui? Oh. Oh, merci. Oui, et d'ailleurs... Vous avez remarqué comme il est déplaisant? Vous avez vu son nez? Oh, avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah. Tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. J'ai le nez d'amour, le nez qui aime. Comment le savez-vous? On l'a toujours dit. Oh, alors? Oh, Lucien, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Permettez, si jamais je dois être à quelqu'un. Mais pour cela, mon ami, il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, oui, oui. Que votre mari vous trompe pas. Alors ça, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme? Il n'a donc pas de tempérament. Quel moule! Oh, Lucienne. Lucienne, vous ne sentez donc pas la cruauté du supplice que vous m'infligez? Celui d'un homme à qui l'on servirait tout le temps à l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, mon ami, allez dîner dehors. Ah, oui. Vous riez, sans cœur. Voulez-vous que je pleure, d'autant que je sais que vous vous offrez des extras? Oui, ils sont jolis, mes extras, oui. Pauvre Ernest, comment s'appelle-t-elle? Plus. Abréviatif de Pluchette. C'est délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien, vous savez. Est-ce qu'elle compte pour moi, Plu-Plu? Il n'y a qu'une femme, à mes yeux. Il n'y en a qu'une, et c'est vous. Qu'importe l'autel sur lequel je sacrifie, si c'est à vous que va l'Holocauste. Commandant, vous êtes bien aimable. Mon corps, mon moi est auprès de Plu-Plu. Mais c'est à vous que se rapporte ma pensée. Je suis prêt à aller, je cherche à m'imaginer que c'est vous. C'est elle que mes bras en serrent, et c'est vous que je crois tenir embrassé. Je lui dis, tais-toi, que je n'entende pas ta voix, je ferme les yeux et je l'appelle Lucien. Oh, comment, mais je ne veux pas, mais c'est de l'usurpation. Elle accepte ça. Plu-Plu, très bien, oui. Elle se croit même obligée de faire comme moi, elle ferme les yeux, elle m'appelle Clément. Oh, c'est exquis, on dirait une pièce jouée par des doublures. Lucien, quand mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Quand me direz-vous, Rédillon, je suis à toi, prends-moi quand tu voudras. Mais je veux de la vue, mais laissez-moi tranquille, lavez-vous, elle. Mon mari peut entrer deux fois déjà, il vous a surpris comme ça, amis. Vous savez, t'es bien, tiens, je ne veux pas, mais non, mais voilà tes manières. L'action du mari qui entre, suivi de Pontagnac. Non, chère madame. Alors, on vous l'a encore par terre, vous? Comme vous voyez, ça va bien? Mais pas mal, merci. C'est donc une manie, alors? Ah, vous ne le croirez pas, mon cher. Voilà mon ami Rédillon. Monsieur Rédillon, monsieur Pontagnac. Inutile, c'est déjà fait. Ah, je n'ai jamais vu que lui comme ça. Toutes les fois qu'il m'attend dans ce salon, ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent. Je ne peux pas y entrer sans le trouver assis le derrière par terre. Ah? Oui, je vais vous dire, c'est une habitude d'enfance. Mais j'aimais beaucoup me rouler. Alors, chaque fois que je vais dans le monde, plutôt que de rester debout, je... Mon mari vous a montré ses tableaux, monsieur Pontagnac. Ah, je crois bien, il était enchanté. Il m'a dit, les musées n'en ont pas de comme ça, n'est-ce pas? Oui. Heureusement. Tenez, j'en ai encore par là, si vous voulez. Oh non, pas toutes les joies le même jour. Je vais en garder pour une autre fois. Ah, c'est vraiment dommage que cette pauvre madame Pontagnac soit dans cet état. J'aurais été fier de lui montrer ma galerie. Ah oui, mais que voulez-vous? Ces rhumatismes, ma peau dans le Béarn. La petite voiture, oui. Ah, pauvre nature humaine. Ah, oui. Madame Pontagnac. Ah, hein? Un petit bonhomme, ma femme. Ma femme. Oui, mobile, faut croire. Ça croyait à fond. Avec ses rhumatismes. Oui, oui, c'est qu'elle aura été guérie. Nous n'y sommes pas, n'est-ce pas, dites que nous n'y sommes pas. Non, mais pas du tout, au contraire, faites entrer. Oui, oui, c'est ce que je disais, faites entrer. Oh là là là là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Oh, sapristi, me voilà bien. Bon, je vous en prie, mon ami. Et vous aussi, madame, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard si ma femme vous questionne, pas un mot. Pas un mot. Ou plutôt, dites comme moi. Oui, c'est ça, dites comme. Je vous demande pardon, messieurs. Madame. Madame. Oh, cher ami, te voilà, quelle charmante surprise. Eh bien, justement, je m'en allais. Alors, dis au revoir à madame et à ces messieurs et allons-nous-en. Hein? Mais pas du tout, voilà une idée. Mais non. Mais laissez donc, voyons. Eh bien, voilà, je laisse. Oh, mon Dieu. Je vous demande pardon, madame, de venir ainsi chez vous sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Mais pas du tout, madame, au contraire, c'est vrai. Vous croyez bien que certainement. Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. Ah, vraiment, c'est gentil, ça, Montagnac. Que vraiment, je me suis dit que cet état de choses ne peut pas continuer. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intimes. Ah, vous pouvez dire que mon mari vous aime. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelin. Et le soir, où vas-tu? Chez les Vatelin. Toujours chez les Vatelin. Comment chez les Vatelin? Quoi, qu'est-ce que ça veut dire, cet étonnement? Tu n'as pas vu sa galerie, ma chérie? Oh, ça vaut la peine, viens voir sa galerie. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu as dans toi? Oh, mais rien, mais qu'est-ce que tu veux que j'aie? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Que je m'amuse, moi non, que je m'amuse. Ah, ça, tu m'as l'air bien agité. Est-ce que par hasard agité, tu... mais où ça? Agité, mais quand ça? Agité, je ne bouge pas. Seulement, tu vas raconter à monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux, mais parbleu. Ils le savent bien que je vais tous les jours chez eux. Ah, je comprends. N'est-ce pas, Vatelin, que vous le savez bien que je vais tous les jours chez vous? Oui. Et là, tu vois. Je l'y ai même rencontré. Hein? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Là, tu es convaincu? Oui. Oh, mesdames! Attendez, je vais vous tirer de là. Merci. Croyez bien, chère madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites, me parlait souvent de vous. Ah, vraiment? Très bien. Et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous, si je n'avais pas su que vous étiez à Pau. À Pau? Allons donc, mais non! Mais où ça, Pau? Mais quand ça, Pau? Mais où allez-vous prendre, Pau? Comment où je vais prendre? Mais oui, qu'est-ce qui vous a parlé de Pau? Il fait des signes désespérés à Pontagnac pour que Pontagnac n'insiste pas. Pau! Je veux dire, si j'avais su que vous étiez... Que vous étiez... Mais nulle part! C'est ça, que vous étiez nulle part! Le monde où l'on patauge! Oh, mais monsieur Vatelin, ne vous excusez pas. Je savais que je n'aurais pas à compter sur votre visite. Mon mari m'avait mise au courant de votre état. Allons bon, voilà autre chose! De mon état? Mais oui! Étant perclus de rhumatisme. Vous? Non, vous. Puisqu'on est obligé de vous traîner dans une petite voiture. Mais permettez, c'est vous. Non, c'est vous. Mais oui, quoi, c'est vous. Vous n'allez pas faire des coquetteries pour ma femme. Ah, c'est moi qui... Bon. Alors, moi aussi. Mais non, pas vous aussi. Tenez, menez-moi de voir votre galerie, je n'ai pas tout vu. Edmond, veux-tu rester là? Je reviens, ma chérie, je reviens. Non, voilà. Oh, c'est trop fort. Voyons, madame, soyez franche, on se moque de moi ici. Eh bien, oui, madame. Aussi bien, messieurs, les hommes se soutiennent-ils assez entre eux pour que nous nous devions un peu de solidarité? Oui, on se moque de vous. Oh, je m'en doutais. Votre mari n'est pas l'intime du mien, collègue d'un même cercle, voilà tout. Jamais jusqu'à ce jour, il a mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé, croyez bien que ce n'est pas un ami qu'il était venu voir, mais une femme qui l'a poursuivi jusque dans son salon. Une femme? Oui, moi. Non. Si, après m'avoir suivi dans la rue avec une insistance que je qualifierais... d'un mu. Oh oui. Il s'est trouvé pour son plus grand désappointement que cette femme était celle d'un de ses amis. Ce n'était pas de chance. Il n'importe, madame. Votre mari vous a menti, et quant à ses prétendues visites ici, elle n'était qu'un alibi dont il couvrait ses fredaines. Non, le misérable! Voilà le mot. Excusez-moi, madame, de vous avoir parlé aussi brutalement, mais vous en avez appelé à ma franchise, je vous ai éclairé franchement. Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie. Aussi bien j'agis avec vous comme je voudrais qu'on agisse avec moi, si jamais mon mari... Ah oui, et lui, Bernie. Mais heureusement, dit-on! Ah, je vois clair, à présent, et mes soupçons ne me trompaient pas. Oh, mais maintenant, je deux, monsieur Frontagnac. Je fais la morte, je vous épie, je vous fais filer, je vous surprends en flagrant délit, et alors? Et alors? Je ne vous dis que ça. La peine du talion. En plein. Bravo. Parfaitement, c'est comme moi, je suis jamais mon mari. Oh oui, oui. Mais après tout, quoi? Je suis jeune, je suis jolie. Mais moi aussi. Ce n'est peut-être pas modeste ce que je dis là. Oh, mais ça ne fait rien. Quand on est en colère, on n'a pas besoin d'être modeste. En tout cas, j'en trouverai plus d'un qui sera enchanté. Tiens, parbleu. Mais moi aussi, n'est-ce pas, Rédillon? Oh là là, vous. Oh, il ne croyait pas que je choisirais, non? Même pas. Il me semble que ça m'empêcherait de savourer ma vengeance, non? N'importe qui. Premier imbécile venu. C'est ça. Vous, si ça vous fait plaisir. Mais madame... Et moi aussi, Rédillon, vous. Oh, Lucien. Tenez, donnez-moi donc votre nom, votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Rédillon, 17 rue Comartin. Bon. Eh bien, monsieur Rédillon, que je surprenne mon mari, j'accours et je vous dis, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Mais madame... Et moi aussi, Rédillon, à vous, à vous. Mais dame... C'est inouï ce que j'ai de la chance au conditionnel, moi. Non, Marie, pas un mot. Mais entrez, messieurs, qu'est-ce que vous avez resté dans la porte? Rien, mais pas du tout. Eh bien, vous êtes satisfait, vous avez contemplé la galerie. Enchanté, enchanté. Madame Patelin n'a pas parlé. Ah oui, oui, il y a surtout quelques toiles. Des toiles de parents de grand-mère. Ah, n'est-ce pas? Ah, entre autres, un Corot-fils et un Rousseau-cousin. Vraiment, ce n'est pas la peine d'avoir des maîtres-mères. Ah, c'est ce que je dis, c'est aussi bien fait, c'est la plupart du temps beaucoup plus soigné. Et ça coûte beaucoup moins cher. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance avec Madame Batelin. Et nous avons beaucoup parlé de toi. Ah. Et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré, qu'il t'appréciait beaucoup. Ah, il a dit ça? Et moi qui... Très bien, très bien. Bien, monsieur. Madame Courtagnac, monsieur Durillon. Raid! Raid, Lyon! Hein? Oh! Oh! Dur, raid, c'est la même chose! Enfin, messieurs, Raid, Lyon, Madame Condagnac! Nous avons eu le temps de faire connaissance! Ah, parfait, parfait! Alors, je me suis ma femme en soi tous les vendredis, si vous voulez nous faire l'honneur! Mais comment donc? Il y a là une dame qui demande, monsieur! Ouais, qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois cette dame! Une dame, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, ça, ma chère amie! Vous auriez dû demander le nom! Elle est jolie! Oh, ça! Bah. Jean, mais qu'est-ce que c'est? Mais je t'en prie, ma charmine. Ce n'est pas mon domestique de donner son avis sur les personnes qui viennent me voir. Vous avez dit que j'y étais? Oui, cette dame attend dans le petit salon. Mais quel temps, je la recevrai. Eh bien, monsieur Batelin, je vois que vous avez affaire. Je ne veux pas abuser de vos moments, surtout quand vous avez une dame à recevoir. Oh, quelques clients, ça ne presse pas. Ce n'est évidemment pas l'homme qu'elle vient voir, c'est l'avoué. Je l'espère bien. Au revoir, chère madame. Et bienheureuse, monsieur. Rédillon, 17 rue Comartin. C'est ça. Prends note, mon ami. Oh, dans le tout Paris, madame. Ça ne fait rien, j'inscris toujours. D'ailleurs, je vous suis, j'ai quelques courses à faire. Au revoir, chère madame. Au revoir, ma Lucienne. Au revoir, vous. Au revoir. Madame, je mets ma femme chez elle et je viens vous donner l'explication de la conduite. Tu viens. Voilà, voilà, voilà. Oh. Au revoir, madame. Veux-tu me laisser, ma chère amie, que j'expédie cette personne? Voilà, à tout à l'heure, mon crépin. À tout à l'heure. Monsieur a sonné. Oui, introduisez cette dame. Je vais prendre une chaise. C'est Maggie. Madame. Oh, my love! Hein, quoi que c'est? Madame Saint-Lien! Maggie! Vous! Moi-même! Vous ici, mais c'est de la folie! Pourquoi? Eh bien, et Londres? Je l'ai quitté! Et votre mari? J'ai amené Louis, il venait à Paris pour affaire. Alors, bon, mais qu'est-ce que vous venez faire? Comment est-ce que je viens de faire? Oh, ingrate! Oh, you naughty thing! How can you ask me what I have come to do here? Ouais. You're his man, for whom I have sacrificed everything. Shh. My duties as a wife, my conjugal faithfulness. I leave London, I cross the sea, all this to reach him. And when at last I find him, he asks me, what did you come here for? Oui, mais c'est parce que je vous demande de vous parler anglais, je comprends pas un mot. Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Il demande qu'est-ce que je veux. Mais je veux... Vous? Moi? Oh yes! Oh, parce que je vous aime toujours, moi. Mais... Oh, Dieu me! Pour tout, et vous, j'ai quitté London. J'ai traversé le Manche qui me rend bien malade. J'ai eu le mal de mer. J'ai rendu. Oui, ça suffit. Oh, non! J'ai rendu l'âme. Mais ce n'est égal. Je me disais, je vais le voir, Louis. Et je suis là pour 8 jours. 8 jours? Une semaine? Vous êtes là pour une semaine? Oh yes, une semaine toute pour vous. Oh, dis-moi, vous m'aimez encore. Oh, pourquoi vous n'avez pas répondu à mes lettres? Je me disais, oh, mon crépin, il ne m'aime plus. Oh, crépin, tell me you love me. Mais oui. Oh, Crépine, que je suis content. Vous venez me voir ce soir, hein? Moi, permettez, je... Ah, ne dis pas non. J'ai trouvé ce matin une petite rez-de-chaussée tout meublée. Comme je disais à vous dans la lettre que j'ai jetée à la panier, là. 48 ou encore pas, hein? Ah, vous êtes descendu rue Roquépine? Non, non, avec ma Marie à l'hôtel Chatham. Mais le petit rez-de-chaussée, je l'ai loué. C'est pour nous deux. Et vous viendrez me voir ce soir, hein? Moi? Ben non, par exemple. Non, pourquoi non? Mais parce que... Parce que c'est impossible, est-ce que je suis libre, moi? J'ai une femme, moi, je suis marié, moi. Vous, vous êtes marié? Mesdames. Oh! À London, vous disiez que vous étiez bœuf. Comment bœuf? Veuf? Oh, bœuf, veuf, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose, merci bien. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Alors, on va être fini ensemble? Ah oui, on pue plus... Vous aimerez-moi plus jamais? Mais si, mais quand j'irai à Londres, oh, là... Oh, Grimpin ne m'aime plus, Grimpin ne m'aime plus! Taisez-vous donc, voyons ma femme que nous entendre! Oh, si on était gars! Oui, mais pas à moi! Certainement, je suis très touché, mais enfin, ce roman ébauché à Londres n'avait jamais dû être éternel. J'avais fait votre connaissance pendant la traversée, vous aviez le mal de mer, j'avais le mal de mer, nos deux cœurs étaient faits pour se comprendre. Ils se comprirent. Il y a des choses qu'on peut faire d'un côté du détroit et qu'on ne peut pas faire de l'autre. J'avais un bras de mer entre ma femme et moi. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Soyez raisonnable, ayez l'abnégation que j'ai. Oubliez-moi. Il y a d'autres beaux hommes comme moi à Londres. Oh non, je ne pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu un amant. Je n'en aurai plus d'autres. Fidèle, enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, votre mari... Mais quoi, j'ai toujours la même. Ah bien, comme ça. Oh non, non, une seule mari, un amant seul. C'est un principe. Alors, alors, Crépine. Vous voulez plus moi? Oh, soyez raisonnable. Well, well, adieu, Crépine. Adieu, Germaine, par ici. Oh. Oh, je me doutais de cette chose quand je ne recevais pas de réponse de vous. Aussi, je l'avais déjà préparé une écrue pour ma mari. Je vais la envoyer à lui. Goodbye, dear, forget me. I am only a guilty wife who has known nothing left but death. I have been Mr. Watling's mistress, 20th Waymall Street, who has forsaken me. And now I will kill myself. Ça me paraît très bien, envoyez-lui ça, qu'est-ce que ça veut dire? Adieu, mon chéri, je n'ai plus rien à faire d'autre qu'à me tuer. Au revoir, cher, oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Monsieur Vatelin, 28 rue Trémol. Pas Monsieur Vatelin avec mon adresse, mais voilà une il idée. Mais comment vous disiez en français? Chut. Il a plaqué moi, yes, et je vais me suicider. Mais c'est fou, enfin, vous n'avez pas lui envoyé. Oh, yes. Mais qui tuez-vous, mais jamais de l'aide, avec mon nom et mon adresse, 28 rue Trémol. Oui, Trémol, oui, oh, Maggie, ma petite Maggie. Don't touch me, please. Ben, don't Maggie, touch me. Maggie, vous ne le ferez pas, ça, Maggie, c'est insensé. Maggie, vous ne le ferez pas, ça. Alors venez ce soir, 48 rue Trémol. Mais puisque je vous dis, je ne peux pas, quel prétexte donner à ma femme? Non! Eh bien, je vais me touiller. Oh, mon Dieu! Eh bien, oui, là, j'irai. Oh, oh, Dieu, mi. Et vous re-aimerez-moi. Et je re-aimerai moi. Oh, oh, Crépine, que je suis content. Oh, Crépine, je te aime. Un crampon, tu ne pouvais pas rester à Londres. Hein? Oh. Un monsieur qui demande si monsieur est visible. Moi, qui ça? Monsieur Salding. Ma Marie. Tout de suite, je suis à lui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Oh, je ne sais pas, vous pressez la main puisqu'il est à Paris. Pourquoi il ne faut pas qu'il vous voit? Tenez, filez par là. All right, all right. À ce soir. À ce soir, à ce soir. 48 francs, copain. Ok, pas. Allez, allez, allez. J'allais, j'allais. Oh, you wicked thing. I love you. Oh. Oh. Oh, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé qu'une fois ma femme depuis que je suis marié, j'avais une excuse puisqu'il y avait le bras de mer. Eh bien, voilà. Cette dame est partie? Oui. Qui est-ce? Un ami que j'ai connu à Londres. Monsieur Saldignac. Oh! Bonjour, cher ami, comment vous va? Très bien, très bien. Quelle bonne surprise, cher ami, monsieur Saldignac. Oh, madame Fanout, très bien, très bien. Mon cher ami, je viens qu'un instant, je suis très pressé. Le soir, si vous voulez, je le tombe le jour, je le fais. Business is business, comme nous disons alors. Alors voilà. Je suis venu vous serrer la main de bord et ensuite à cause de ma femme. Elle va bien, Mme Saldignac? Très bien, merci. Elle m'a chargé de beaucoup de choses. Merci. Justement, c'est pour elle que je viens parce que j'ai appris une chose, mon cher ami. Vous allez être bien étonné. Je suis cocu. Coquoi? Non, pas coquoi, cocu. Madame Saldignac me trompe, si vous préférez. Hein? Je m'excuse, je suis peut-être de trop, je me retire. Oh non, non, non, je suis très fidèle, en ce moment je suis pressé, je le sais faire. Alors voilà, cet matin j'ai mis la main sur la pote rose et j'ai trouvé cette lettre dans la panier de ma femme. Mon d'un chalet qu'elle m'écrivait pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. My love. Là, bah non, c'est pas moi. Je suis à Paris, nous allons pouvoir nous re-aimer. Vous comprenez? Oui. Cette soir, ma mari c'est moi, passe son soir tard dans les affaires, je suis seul, viens de me retrouver 48 Rockepine à la rez-de-chaussée, je vous attends, Maggie. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, vous savez, comme ça, première... Peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons de... Entre deux affaires, j'ai couru chez la commissaire de police. Et cette soir, je ne sais pas quel il est, ni les My Love, mais je l'ai fait pincer, lui et son love, 48 rangs de France. Eh ben, tu fais bien de me prévenir. N'est-ce pas, madame? Mon Dieu, vous savez, moi, monsieur. Oui, oui, oui. Et alors, j'ai divorce. Vous voulez divorcer? Oui, je suis très content. Elle m'embête, ma femme a toujours un tempérament. Ça me dérange pour les affaires. Alors, je suis venu vous voir, comme avoué, pour que vous prépariez tout de suite toutes les pièces pour le divorce. Moi? Parce que je suis très pressé, j'ai les affaires. Mais je ne peux pas, mais c'est à Londres que vous devez... À Londres? Pourquoi à Londres? Je ne suis pas de Londres. Hein? Non, je suis de Marseille. Oui. Narcisse Soldignac de Marseille. Moi, j'ai été élevé toute petite à Londres, où j'ai toujours vécu pour les affaires, où je me suis marié, mais devant le consulat français. Par conséquent, vous pouvez préparer toutes les pièces pour le divorce. Ah, il faut que... Mais évidemment, parce que je suis français. C'est un comble. Excusez-moi, je suis très pressé, j'ai les affaires. Mais c'est entendu, cher ami, seulement tout cela est soumis à une condition essentielle, c'est que vous surpreniez votre femme et son complice. Évidemment, puisque je l'ai peint cette soir, 48 fois que part. Et je vais lui administrer une de ses tatouages. Il y a ce monsieur, comme nous disons en Provence. Ah oui, parce que vous êtes fort. Oh, très fort, très fort. Ma femme aussi d'ailleurs, je lui ai appris. Mais excusez-moi, je suis très pressé sur les affaires. Business is business, comme nous disons à Londres. Et quant à ce monsieur cette soir, dites-lui que venga mon bon, comme nous disons à Marseille, madame, monsieur. Au revoir, cher ami, bientôt. Oh, Montagnac, il arrive bien. Cher ami, veux-tu accompagner monsieur Soldignac? J'ai un mot à dire à Montagnac. Mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Rien, un Anglais de Marseille. Vous tombez bien, mon cher Pontagnac. J'ai un service à vous demander. À moi? Oui, d'homme à homme. Voilà, j'ai ce soir un rendez-vous avec une dame. Vous? Je tombe des nues. C'est comme ça. Vous trompez donc votre femme? Ah, les circonstances où un mari est quelquefois obligé... Il trompe sa femme et c'est à moi qu'il vient le dire. Alors là, je voulais vous demander, vous avez rendez-vous ce soir dans un endroit où alors qu'il est des circonstances particulières mais impérieuses nous empêchent d'aller. Alors vous qui êtes dans le mouvement, vous ne connaîtriez pas un hôtel où je pourrais... Oh, mais si, le Grand Hôtel, le Continental... Ah, l'Ultimus. C'est toujours là où je vais, plusieurs sorties. Ça m'a envoyé une dépêche pour qu'on m'obtienne une chambre pour ce soir. Merci, cher ami, merci. Je vais télégraphier tout de suite. Et à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à mon nom. Fermez votre femme, vous n'aurez donc en pot ce soir? Ah, oh, non, c'est pas difficile. Mes affaires m'obligent souvent à m'absenter de Paris. Je lui dirai que je suis appelé en province pour un testament, une vente après les ailes, n'importe quoi. Parfait, parfait. Oh, pardon, je vais télégraphier. Je vous en prie. Il trompe sa femme, au bonheur. Drôle de type, cet Anglais. Oh, oh, Lucienne. Oh. Pardon, madame, venez vite. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Je ne peux pas, je ne peux pas. Eh bien, c'est tout. Et puis, ma foi, tant pis, un jeune de Rien à Vatelin, ce n'est pas mon ami. Et puis, l'amour avant tout. Bien. Vous n'avez qu'une parole, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, je ne tromperai jamais mon mari la première, mais s'il commence, je lui rends immédiatement l'appareil. Oui, évidemment, j'ai dit ça. Vous jurez que vous le ferez comme vous dites et que vous le trompez immédiatement si jamais vous avez la preuve. Oh, ça tout de suite. Oh, joie. Eh bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, à l'hôtel Ultimus, votre mari avec une femme. Ah, monsieur, vous mentez. Je mens. Tout à l'heure, il va venir vous dire qu'il a reçu une dépêche l'obligeant à aller en province pour un testament ou une vente après décès. Oh, comment ce n'est pas possible, le crépin, lui! Oui, ce crépin-là! Il serait capable! Ah, oh, monsieur, si vous me montrez ça, si vous me montrez ça! Je... Tout à l'heure, je guetterai sur les parts, je viens vous prendre et je vous mène sur le lieu du crime à l'hôtel Ultimus, voulez-vous? Oui, je le veux, oui, je le veux! Lui, du calme! Oh, je suis un mytho, voilà, bah il m'en retombe une tuile! Ah oui, vraiment, quoi donc? Vas-y, mon garçon, vas-y! Une dépêche, viens-toi, une dépêche qui me force à quitter Paris ce soir par le 38h! Mais ne peux-tu te faire remplacer par un de tes clercs? Non, impossible, non, on désire que j'assiste en personne, tu comprends? Bien, va, mon ami, va! Business is business, comme dit ton anglais. Oui, je suis bien contrarié. Tu vas. Je te demande pardon des dépêches à faire porter pour mon testament. Oh, c'est bien vous édifier. Oh oui, le misérable, lui que je croyais des rares maris fidèles, balayés comme les autres. C'est bien, monsieur Pontagnac, je vous attends ce soir. Ah. Et si j'ai la preuve de ce que vous me dites, je vous jure bien qu'une heure après, je serai vengé. Oh, merci. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais bon, j'ai une excuse. C'est pour avoir sa femme. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vient de vous faire entendre, par transmission différée, le premier acte du Dindon, comédie en trois actes de Georges Feydeau, dont la mise en scène a été réglée par Jean Meyer. Voici maintenant le deuxième acte de cette pièce. et nous voici à l'hôtel Timus, dans une chambre qui est bien la chambre que nous pouvions imaginer. Décor ravissant d'ailleurs, comme on en voit à la Comédie Française. Assez-toi, petit. Eh bien, tu as fait ma commission. Oui, madame, le gérant m'a dit de dire à madame qu'il allait monter de suite. Tu viens parler pour le changement de chambre? Oui, oui, madame. Le petit, c'est le chasseur, et elle, c'est Armandine. C'est bien, merci, chasseur. Dis donc, avance un peu. Madame? Quel âge as-tu? 17 ans. 17 ans. T'es gentil, tu sais. Oh, madame. Ben, ça te fait rougir? Il paraît même que ça te fait plaisir. Oh oui, ça venant de madame. Mais... Bien, je m'en dédie pas, tu es très gentil. Hein? Eh ben, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, madame. Tu ne t'embêtes pas, mon fils? Bon, madame, je n'ai pas su ce que je faisais. Je n'ai pas blessé madame. Pas trop. Il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Oh, madame, ne le dira pas au gérant, ça me ferait flanquer à la porte. Hein? Si j'étais méchante. Oh, c'est que quand j'ai senti la main de madame, si chaude, si douce sur ma joue, ça m'a donné comme un tremblement. Tout s'est mis à tourner. Songez, madame, que j'ai 17 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, je ne sais pas. T'étonnez, madame, que j'en ai des clous qui m'en poussent. Oui, madame, là, en voilà un dans le cou qui commence. J'ai montré ça au médecin qui a quitté l'hôtel ce matin. Il m'a dit, mon petit, c'est la puberté. La puberté? Qu'est-ce que c'est que ça, la puberté? Je ne sais pas. Mais il paraît que j'ai l'âge d'aimer. Ah, je m'en apercevais bien que c'est la sève qui me travaille. Ouais, ouais, ouais. Alors quand madame est venue comme ça, oh, madame ne m'en veut pas. Mais non. Tiens, la preuve, voilà 3 francs. 3 francs? Ah, c'est pour toi. Ah non. Comment? Ah non, pas de madame. Bah voyons. Oh, moi, t'en donnerais bien 7 avec pour... Pour rien, madame. V'là, gérons, madame. Pour gamin. Madame m'a fait demander. Bah oui, c'est pour cette chambre, savoir ce qui a été fait. Mais c'est entendu, madame, on vous en donnera une autre sur le devant. Ah oui, parce que c'est navrant ici. Et vous comprenez, si je dois rester une dizaine de jours, le temps qu'on aménage mon nouvel appartement... Mais ça se comprend, madame. Madame, il me semble. Alors, n'est-ce pas? Si ça ne vous gêne pas... Oh, pas du tout, madame. C'est-à-dire que madame voudrait même conserver sa chambre alors qu'il est que je ne pourrais plus la lui donner. Elle a été louée tout de suite. Ouais, et ben ça se trouve bien. Et quel est l'heureux qui me succède? Un monsieur Vatelin qui a télégraphié pour retenir une chambre et à qui j'ai réservé celle-ci. Vatelin? Tiens, connais pas. Puis d'abord, ça m'est égal. Et alors? Eh bien alors, je vais donner à madame, si ça lui convient, le 17. Et c'est sur la rue. Soit, si vous me dites qu'elle est bien. Oh. Moi, ce qu'il me faut, n'est-ce pas, c'est une pièce un peu grande, confortable, de façon à ce que si je reçois un ami ou un autre et que s'il lui arrive de vouloir rester un soir... Madame n'est pas seule. Bon. Oui, je comprends, oui. Madame voudrait qu'une chambre ou au besoin... Oh, mais alors, dans ce cas, je vais donner à madame le 23, il fera bien mieux l'affaire. Il est à 2 lits. À 2 lits? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 lits? Vous voulez me couvrir de ridicule? Comment, madame... Vous savez, est-ce que vous vous imaginez que j'invite des spectateurs? Non, madame, seulement j'avais pensé que pour monsieur l'ami de madame... Quoi, le deuxième lit? Eh ben... Il en ferait une bobine. Mais non, voyons, j'ai mieux le 17. Tiens, madame. Vous enverrez prendre ma malle pour qu'on la transporte. Oui, madame. Monsieur? Oui, c'est Armandine. Ici, monsieur. Je vais voir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Un monsieur pour madame. Quel monsieur? Je ne sais pas. Je vais lui demander. Ah, pas la peine qu'il entre. Je le verrai bien. Si monsieur veut entrer. Le monsieur, c'est Rédillon. Bonjour! Vous! Moi! Oh, vrai! Oh, vous savez ça? Vrai! Voilà comme je suis, moi! Ça va bien depuis l'autre fois? Très bien! Vous permettez? Quoi? Oui! Non, c'est bon! Tu m'aimes donc? Je t'adore! T'es pas nous! Et comment tu t'appelles? Ernest! Ernest quoi? T'as bien un autre nom? Ton père t'a pas reconnu? Ah si, Rédillon. Ah, c'est bête ce nom-là. Il y a si longtemps qu'on porte dans ma famille. D'ailleurs, c'est pas le nom qui fait l'homme, n'est-ce pas? Regarde-moi, t'es jolie, tu sais. Tu sais pas ce que je trouve? Non. Tu ressembles à mon amant. Ah. On te l'a jamais dit? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ton amant? Comment, qu'est-ce que c'est que mon amant? Ah, c'est un type très chic, tu sais. C'est le baron Schmitzmeyer. C'est un juif? Oui, mais il n'a pas été baptisé. C'est le Schmitzmayer qui monte en steep. Oh, tu connais que lui. C'est lui qui a gagné tant d'argent dans cette émission, la commandons. Eh ben, tu sais bien, les journaux en ont parlé. Ça vaut plus un clou aujourd'hui. Oh, ben il y en a tant. Ah, mais si! Tiens, c'est sa sœur qui a épousé le duc. Ah, non, mais non, mais dis donc. Je ne suis pas venu ici pour entendre la généalogie de ton amant. Ah, pauvre garçon, il fait ses 28 jours en ce moment. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Allons, tant mieux. À la caserne, à la caserne. Ouh, ma petite Armandine. Quoi? Tu sais, j'ai vu tout de suite que tu me faisais de l'œil hier au théâtre. Ah oui, là? C'était Plu-Plu qui était avec toi dans la loge. Oui, tu la connais? Oh, je la connais comme elle me connaît, de vue. C'est une femme chic. Ouais, ouais. C'est même ça qui m'a donné envie de toi. Ben, sans ça, j'aurais pas répondu à tes œillades. Parce que tu sais, moi, quand je connais pas les gens d'habitude... Ah, mais qu'est-ce que tu veux, le monsieur d'une femme chic? Y a pas, c'est stimulant. Eh ben, c'est pour ça que je t'ai fait passer ma carte par l'ouvreuse, à l'entracte. Ah oui, là. Oui, alors c'est à Plu-Plu que je dois de... Oh, va pas lui dire tout ça, enfin. Fais-nous de bon. Oh, t'es bête. Ah non. Ou alors, y a rien de fait. Parce que tu sais, moi, je voudrais pas lui faire une saleté. Oh. Mais sois donc tranquille. Dis donc. T'es vraiment bien faite, tu sais. C'est à toi tout ça. Madame, à qui veux-tu que ce soit? Mais à moi. Oh, gourmand. Ben, tu me le rendras. Ben, naturellement. Ah oui, parce que qui serait pas content, c'est Schmitzmayer. Oh. Oh, zut, alors, si tu ne parlais pas tout le temps de ton Schmitzmayer. Oh, ce qu'il m'aime, lui. Ah, et ben, il est drôle. Tu sais pas ce qu'il me dit toujours? Je t'aime parce que t'es bête. N'est-ce pas que je suis pas bête? Mais non. Mais non, t'es pas bête. Oh. Ouh, ma petite Armandine. Oh, mon petit commandant déjà. Ernest. Mon petit Ernest. Allez, viens sur mes genoux. Oh, déjà. Mais oui, déjà. Là. Ah. Ah, Lucienne. Ma Lucienne. Comment Lucienne? Je m'appelle pas Lucienne, je m'appelle Armandine. Non, Lucienne. Laisse-moi t'appeler Lucienne, qu'est-ce que ça te fait? J'aime mieux ce nom-là. Oh, Lucienne. Ma Lucienne. Oh, ce que t'es drôle. Tiens, ça me rappelle une fois. Ah non, ça te rappelle rien. Tais-toi, parle pas et embrasse-moi, Lucienne. Est-ce toi? Est-ce bien toi? Ben non. Mais tais-toi donc, enfin, je te demande pas de me répondre. Oh, Lucienne, dis-moi que c'est toi, Lucienne, c'est éternel. Qu'est-ce que c'est? Mais tais-toi donc. Mais tais-toi donc, y a pas moyen d'entendre. Qu'est-ce que c'est? Victor, madame, ah, c'est toi, petit oncle. Madame, est-ce qu'on peut... Oh. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Madame, c'est pour savoir si on peut faire transporter la malle. Ouais. Quelle malle, donc? Eh bien, la malle qui est là, pas celle du Grand Turc. Mais dites donc. En voilà une façon de me répondre. Je vais vous faire voir si c'est pas celle du Grand Turc. Comment l'a-t-on jamais vu? Oh, ben, le bouscule pas, ce petit. Il est très gentil. Ouais. Je te dis pas, mais je lui apprendrai à me parler poliment, moi. Oh, ben, ça vaut pas la peine. Tiens, donne-lui 100 sous. Comment? Après la façon dont... Ben, tu vas pas me refuser de lui donner 100 sous. Oh, évidemment, ce n'est pas pour les 100 sous, mais... Enfin, vraiment, il y a des... C'est bien, voilà, 100 sous pour cette fois. Mais que cela ne vous arrive plus. Merci, cochon. Je suis comme ça, moi. Madame, je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle m'aide à porter la malle. C'est ça, va, petit. Au moins, il sera ce qu'il en coûte de me parler poliment, celui-là. Oh, bah, reste, pauvre petit. Faut pas lui en vouloir. Il est énervé en ce moment. Il est malade. En voilà une raison. Je m'en fiche, moi, qu'il soit malade. Si tu avais ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'il a donc? Je sais pas bien ce que c'est. Il paraît qu'il a de la puberté. De la puberté? Comment de la puberté? Parfaitement, c'est le médecin qui l'a dit. Et c'est ça sa maladie? Ah! Eh ben vrai, je vais le plaindre. C'est grave? La puberté? Ah oui, oui, ça c'est grave. Ça s'attrape pas, au moins? Non. Non. Malheureusement. Sans ça, Christine, il y a un virus qui vaudrait de l'argent, tiens. Tenez, aidez-moi. Cette malle-ci? Oui, à la décembre 17. Ah, ah, le sac. Ah, ça, mais... Tu déménages donc? Oui, cette chambre ne me plaît pas. J'en ai demandé une sur la rue. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable à être sur la rue. Enfin, va pour la nouvelle chambre. Allons dans la nouvelle chambre. Nous? Pourquoi faire? Comment pourquoi faire? T'es bête. Ah non, mon ami, non, pas ce soir. Quoi? Ah, il n'y a pas de quoi. Impossible, mille regrets. Ah, oh, ça, mais c'est sérieux? Ah non, mais dis donc, bah t'en as une santé. Non, mais alors tu t'imagines que je vais m'en aller comme ça, le bec dans l'eau? Puisqu'il n'y a pas moyen, j'attends un ami à 11h. Un ami à 11h? Voilà une raison. Qu'est-ce que c'est que cet ami-là? Tu le connais pas? Un monsieur de Londres? Monsieur Saldignac? Alors, chaque fois que tu viens à Paris, bah... Non, mais dis donc, c'est dégoûtant ce que tu me dis là. Enfin, quoi, puisqu'il va venir? Eh ben, n'y sois pas! Tiens, sais-tu, viens chez moi. Comment chez toi? Eh ben oui, chez moi, j'ai un chez moi. Est-ce que tu crois que je loge sous les ponts? Bah, que lui dire à lui? Eh ben, tu lui feras dire que tu as été visiter ta mère qui est très malade. C'est vieux comme le monde et ça prend toujours. Oh, c'est pas chic. Mais si c'est pas chic, mets ton chapeau, je t'en mêle. C'est pas chic, mais ça me tente. Entrez! Je demande pardon à monsieur et madame de les déranger, mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont là, et alors... Vous voudriez que nous caltassions? Oh, je ne me permettrai pas. Je finis de mettre mon chapeau et je cède la place. Priez ce monsieur, comment nom déjà? Vatelin. Vatelin? Oui, de m'accorder une minute. Comment Vatelin ici? Oh, ça m'est par quel hasard! Oh, mais faites-le entrer, je serai enchanté de lui serrer la main! Comment tu le connais? Oh, ben, je ne connais que lui, voyons! Oh, ce cher ami! Là, c'est Monsieur Pinchard, suivi de Madame Pinchard. Tiens, c'est pas le même! Un type extraordinaire, ou plutôt un couple extraordinaire, Madame de Chauvron et Seigneur. Qui est joli, monsieur madame, de faire un chiffre ou déloger? La belle femme. J'ai vertenu télégraphiquement pour ce soir une chambre à cet hôtel. Et comme vous le voyez par cette dépêche, retenue pour vous, chambre 39. C'est celle-ci qui m'a été désignée. Mais c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore. Nous nous préparions justement à la quitter. Mais je vous en prie, madame, prenez votre temps. Je serais désespéré de déranger le bois du monde. D'autant plus que quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Oh, monsieur, vous êtes trop galant. Mais du tout, madame, du tout. Je vous fais mes compliments, monsieur. Vous avez une bien jolie femme. Changerai bien avec la mienne. Hein? Oh, carrément. Et je crains pas de le dire devant ma femme. Comment ça? Ça lui est égal? On sait pas que ça lui soit égal. Mais elle est sourde comme un pot. Ah. Je vous en prie, madame. Ne vous dérangez pas pour nous. C'est précisément ce que monsieur votre mari a eu l'amabilité de nous dire. Oh, mais nullement, madame, nullement. Vous avez compris? Non. Moi non plus. C'est un peu incohérent ce qu'elle vous répond, mais ça vient de ce qu'elle n'a pas entendu un mot. Et mon mari aussi? Voilà, voilà. Faut s'y faire. Moi, depuis 25 ans, vous comprenez? Car il y a aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés. C'est même pour fêter cet anniversaire que nous sommes venus à Paris. Je la conduis à l'opéra. Pour lui faire ouvrir la muette, probablement. À l'opéra ce soir? Oui, oh. Oui, oui. Il est un peu tard. Mais comme l'on joue la favorite et Coppelia, nous ne tenons à arriver que pour le ballet. Parce que moi, la musique se brompait. Et ma femme, elle, ne peut voir que les ballets. Elle regarde danser. Ça l'amuse. Elle dit seulement que ça gagnerait à avoir de la musique. N'est-ce pas, Coco? Quoi? Que tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Oh, bien mieux! C'est calmé à présent. C'était dans le train que ça n'allait pas. Ah oui. Oui, ça, c'est autre chose. Telle que vous la voyez, elle vous parle de son ventre. Elle est sujette à de petites crises hépatiques. Mais ça va mieux, maintenant. Allons, tant mieux, tant mieux. C'est un peu décousu. Faut s'y faire, faut s'y faire. Allons, monsieur, je ne peux pas vous retarder plus longtemps. T'es prêt, Ernest? Voilà. Monsieur? Madame, ravi. Monsieur, enchanté. Ah, pas plus que moi, monsieur, certes. Et... Et je n'ai même qu'une chose à vous dire, monsieur. Oui, non, monsieur. Figurez-vous, monsieur, que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah. Oui. Oui. Ahurissement de Pinchard. Mon Dieu, monsieur, une confidence en vaut une autre. Mon meilleur ami à moi, monsieur, s'appelle Piélouche. Ha ha ha! Oui. Eh oui. Qu'est-ce qu'il veut bien que ça me fasse? Enchanté, monsieur. Je ne vous en remercie pas, moi, monsieur. Monsieur. Madame. Pourquoi? Monsieur et madame te disent au revoir. Quoi? Monsieur et madame te disent au revoir. J'entends pas. C'est juste. Attends. Il s'approche d'elle et lui parle simplement avec les lèvres. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ça, c'est curieux, par exemple. Elle entend quand nous n'entendons plus, nous. Voilà. Tu viens, Ernest. Voilà. Entrez. Madame n'a plus rien à faire porter. Non, merci, mon petit. Ah, tu diras en bas que si un monsieur me demande, on lui répond que j'ai pas pu l'attendre. Parce que j'étais appelée auprès de ma mère, qui est malade. Oh là là. T'as compris? Oui, madame. C'est ça, va, petit, guéris-toi. Merci, madame. Il est malade? Oui, il a des clous. Oh. Soigne-toi bien. Et allons, viens. Ah, mon sac. Ah oui, oui, le sac, là, le sac. Voilà. C'est le sac à la dame, ça? Eh oui. Eh ben, vrai. Je m'apprête, moi, si nous devons aller à l'opéra. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, planté comme une borne, clampin? Monsieur? Alors, comme ça t'as des clous, toi? Oui, monsieur le major, on sait pas grand-chose. Ben, c'est bien, je sais ce que c'est. Médecin-major dans la cavalerie, j'en vois plus souvent qu'à mon tour. Allez, fais voir. Oui, monsieur. J'ai attrapé ça, je... te demande pas de boniment, déculotte-toi. Mais monsieur le major, je... Tu comprends pas le français? Je te dis, déculotte-toi. Non, mais monsieur le major, je... Quoi? C'est ma femme qui te chaîne? Fais pas attention! Elle est sourde. Et va! Qu'est-ce que t'attends? Bah, mon Dieu, monsieur le major, c'est que je vais vous dire. Si c'est par curiosité, ça va bien, mais si c'est pour le clou, je l'ai au cou. Au cou? Qu'est-ce que tu me chantes? Un clou au cou? Est-ce que ça compte, ça? Est-ce que ça empêche le service, ça? Un clou au cou. Est-ce que ça empêche de monter à cheval, ça? Un clou au cou. L'intérêt que je t'y fasse descendre, toi, au clou. Sacré carottier. Oui, monsieur le major, je... Allez, où? Rompez. Et plus vite que ça. Oui, monsieur le major, d'homme en plein type, mon... A-t-on jamais lu ça? Pour un clou au cou. Ah. À 10h30, mon ami. Ainsi, tu n'as que le temps. Oui, c'est pas de ça dont je te parle. Je te parle de son clou. Consulte le programme, tu verras. Oui, bonsoir, je vais m'apprêter. Où est le sac? Quoi? Où est le sac? Comme précédemment, il lui parle sur les lèvres. Mais c'est toi qui le portais? Moi, je le porte! Mais oui, où l'as-tu mis? Oh ben, elle est bonne, celle-là. Où ai-je bien pu le fourrer, moi? Entrez! Viens pour faire la couverture. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac de voyage. Le diable, si je sais où je l'ai mis, moi. Vois donc si le petit groom l'a pas porté par hasard dans le cabinet à côté. Ah, tu crois? Oh, je l'aurais vu. Enfin, allons voir. Madame préfère-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? C'est parce qu'elle allait dans la lune. Madame désire-t-elle? Ah, bonjour, ma fille. Bonjour, madame. Je demandais à madame... Eh ben, ne demandez pas. Vous perdez votre temps. Je l'aurais bien sûr laissé en bas dans le bureau. Alors, lui où, lui où? Monsieur, c'était pour savoir... Mon le chien. La belle-fille. Ce que monsieur me préfère, des oreillons en plume ou en crin? Oh, frère coquin, t'es rudement bien. Hein? Je demande à monsieur... Prends ce que tu voudras. En plume, en crin, la moitié du tien, voilà l'oreiller que je préfère. Ah, monsieur... Comment t'appelles-tu? Eh ben, et toi? Et me tutoie. Et il me tutoie. Mais qu'est-ce que je vous ai permis de me tutoyer? Mais te jette donc pas, ma fille. Ah, tu me tutoies. Et vous allez me lâcher, monsieur. Madame, madame. Appelle, va, appelle, appelle. Vous voulez vous faire taire, monsieur, votre mari? À Paris? Oui, jusqu'à demain. Ça, mais elle est sourde. Oh, comme une pioche. Oh, tiens, tu es adorable. Grand. Oh. Eh ben, tu l'as? Au nom d'un chien, oui. Monsieur, désire-t-il autre chose? Ah non, non, merci. Très coquin, quel poigne. Tu as mal aux dents? Non, non, non, non, c'est rien. Vous irez en bas que l'on remonte mon sac que j'ai dû laisser dans le bureau. Bien, monsieur. Et que je le trouve, en rentrant. Bien, monsieur. Allons, bien, Coco. Allons, bien, Coco. Nous partons, je suis prêt. Allons, la favorite doit être terminée. Qu'est-ce que c'est que la favorite? La maîtresse du roi. Ouh, j'aime pas ces femmes-là. Il en faut, Coco. Il en faut. Et le couple merveilleux sort. La femme de chambre est en train d'arranger le lit. Médecin militaire. Non, il est bon, il est avec la moitié de mon oreiller. Non, mais est-ce qu'il croit que si j'avais voulu mal tourner, je l'aurais attendu? Non, mais tout de même. Je ne m'étais pas trompé, j'avais bien entendu qu'on quittait la chambre. Vatelin, qui l'a loué pour ce soir, ne peut tarder à arriver. Ménageons-nous les communications. Vous demandez, monsieur. Sapristi, la bonne. Vous demandez, monsieur. Je... Ce que je demande. Oui. Le roi des Belges. C'est pas ici. C'est pas ici. Ah, dire, tu sais, je m'en doutais. Bah alors? J'étais bien sûr que c'était la chambre 39, seulement je me disais, est-ce bien l'hôtel? Eh bien voilà, c'est ça, c'est pas l'hôtel. Ah, oh, bah si monsieur ne se trompe que de ça! Parce que j'ai vu le roi aujourd'hui, il m'a dit, mon petit ami, nous descendons à l'hôtel Ultimus, j'ai la chambre 39. Alors ça, pour la chambre, j'en suis certain. Quant à Ultimus, n'est-ce pas avec l'accent? J'ai entendu Ultimus, il a peut-être dit continental. Monsieur de la cour? Oui, un peu. Ministre sans importance. Alors pour être plus près de lui, j'ai loué le 38 qui est là. Oui, oui. Car il est là, le 38. Oui, je sais. Très bien, j'ai la clé. Enfin, il n'y est pas, n'est-ce pas, tout ce que nous dirons ou rien. Mademoiselle, je vous salue bien. C'est déjà parti. Oh, mais il est plutôt spécial, le gamin de la cour. Allons chercher les oreillers. Et voici que Pontagnac reparaît. Vous pouvez venir, il n'y a plus personne. Alors, c'est ici. C'est ici. Il est avec Lucienne. 39, parfaitement. Turpitude, dire que c'est dans cette chambre. Elle a pourtant l'air honnête, cette chambre. Menteuse. C'est dans cette chambre que mon mari, tout à l'heure, avec une autre. Avec une femme. Oui, et alors, tous les deux. Lui, comme je le connais dans l'intimité, avec ses mots, ses tendresses, ses riens. Et elle, elle, comme je ne la connais pas avec ses... Est-ce que je sais, moi, et alors... Oh, vous pourrez assister à ça de sang-froid, vous. Bah, mon Dieu, si le geste est beau. Oh, taisez-vous. Ah, je ne vois que trop, je n'imagine que trop. D'affreuses images se présentent devant mes yeux. Ah, je ne veux pas voir, je ne veux pas. Si, j'aime encore mieux garder les yeux ouverts, parce que quand je les ferme, j'y vois encore mieux. Je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça. Il me semble que j'en veux à tout ce qui m'entoure. À ces murs de leur complicité, à ces meubles pour ce dont ils vont être témoins, à ce... Ah non, ça, je ne veux pas. La sonnette, oui, la sonnette. La sonnette, pour quoi faire? Je veux faire enlever le lit. Oh, mais non, mais vous n'y pensez pas. Ah, ça voulait vous surprendre votre mari, oui ou non? Oui, je veux. Eh bien, si vous voulez avoir la preuve matérielle du délit, ne lui enlevez pas le moyen de se manifester. Oh, c'est épouvantable, l'épreuve que vous m'imposez. Voulez-vous, nous tâchons de ne pas la prolonger, inutilement. Oh oui. Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Oh, avant, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons, et pas trop tard. Pour que la musique n'ait pas le temps de commencer. C'est ça. Oh oui, mais comment serons-nous? Comment? Eh bien, j'y ai déjà réfléchi. Et mon moyen... Le voici. Qu'est-ce que c'est que ça, des timbres électriques? Des timbres électriques. Vous l'avez dit. Savez-vous ce que c'est que la pêche au grelot? Non. Eh bien, c'est ça, la pêche au grelot. On met un grelot au bout d'une ligne, et c'est le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur qu'il est pris. C'est tout simplement ce procédé-là que je vais appliquer à l'usage de Vatelin. Comment vous allez pêcher mon mari au grelot? Vous l'avez dit, et c'est lui-même et sa compagne qui ont la complaisance de nous sonner au moment voulu. Oh, voyons donc, quelle sottise. Sottise? Tenez, vous allez voir comme c'est facile. Quel est le côté habituel de votre mari? Le bord. Bon, par conséquent, madame, c'est la ruelle. Le bord, la ruelle. Bien! Ceci dit, je prends les deux timbres électriques. Le gros, là. Nous dirons que c'est Vatelin. Et celui-ci, madame. Monsieur, madame, viens. Je place le gros. Là. Et madame. Ici. Et puis ça y est, c'est amorcé. Comment ça y est? Mais oui, nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde. L'un des deux pénètre dans le lit, craque une sonnerie. Nous ne bougeons pas, il n'y a qu'un poisson de prix. Mais soudain, la seconde arrive, on renforce la première, ça y est, nous les tenons tous les deux. Mais c'est très ingénieux. Non, c'est génial. J'ai entendu bruit, voilà peut-être nos personnages. Je vais leur crever les yeux. Ils sont pas arrivés, vous voulez déjà leur crever les yeux, mais venez, nous n'avons plus de peur. Oh, tu ne perdras rien pour un an. C'est bien la chambre de Mr. Batley. Attendez, madame, pour l'absence des voyageurs, je ne connaissais personne dans la chambre avant qu'il ne m'en ait donné l'ordre. Mais sacré matin, puisque je vous dis, il m'a dit oui, attendre si par là. Il m'a câblé pour cette chose même. Tenez, lisez le télégramme. Si vous m'avez pas croire, croissez. Croyez. Ah, vous croyez? Yes. Well, lisez-vous. Oh, vous parlez l'anglais et... Oh, je dis yes, voilà tout. Votre mari sait tout, il a trouvé la lettre dans le panier. Ah non, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Non, tenez, lisez le fin. Venez ce soir à l'hôtel Ultimius. Vous demanderez ma chambre et si je ne suis pas là, attendez-moi, Vatelin. All right, bien vous l'ai convaincu. C'est bien, madame, attendez. Well, où est le cabinet, la toilette? Par ici, madame. Vous portez une tasse de théière et de l'eau bouillante pour le thé, hein? Bien, madame. Merci, mademoiselle. Faut pas demander de quel pays elle est, celle-là. Ces Anglish. Je crois qu'ils n'iraient pas au bain de retiro sans emporter leur théière. Voilà votre chambre, monsieur. Pardon, mais vous vous trompez, cette chambre est occupée, c'est la chambre de monsieur Vatelin. Ben, c'est moi, monsieur Vatelin. Mais alors, les deux personnes qui étaient là tout à l'heure. Ils ne vous occupez pas, on a constaté l'erreur au bureau. Ce sont les locataires du 59 que, par une erreur de transcription dans la dépêche qu'on leur a envoyée, on a mis au 39. Mais on a noté de les prévenir quand ils rentreront. Ah, c'est bien, merci, chasseur. Ah, dis-moi, préviens en bas qu'une personne viendra me demander. Qu'on lui dise le numéro de ma chambre et qu'on la laisse monter. Bien, monsieur. Monsieur demande une dame? Non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Oh, mais je n'en offre pas une à monsieur. C'est une dame qui est venue demander monsieur tout à l'heure. Qui est là? Elle? Déjà? Faut-il la prévenir? Ah non, elle est bien où elle est, hein, laissez-la. Bien, monsieur. Je vais chercher le thé. Laisse. Ah oui, elle est bien où elle est. Je la verrai bien assez tôt. Oh, je suis d'une humeur! Oh, blondandante, moi, ouais! Crépine! Oh, vous là! Il y a au moins une heure. Ah non, j'étais là depuis 10 minutes, alors. Ah. Oh, crépine, que je suis contente! Quoi? Qu'est-ce que vous avez là, restez raide comme une lanterne? Comme une lanterne? Comme une grande gueule de gaz. Quoi, gueule de gaz? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, gueule de gaz? On ne dit pas gueule, on dit bec de gaz. Oh, bec, gueule, bec, ça m'est égal. Oh, crépine, que je suis content. Quoi, tu veux pas que je vous embrasse? Non. Non? Non, oh. Vous avez voulu que je vince, je suis venu. Avec ce moyen-là d'éviter un esclandre chez moi et de vous empêcher de faire un coup de tête. Mais j'entends que vous mettiez bien dans votre cerveau que tout doit être fini entre nous. Oh, crépine, pourquoi vous dites ça? Vous voulez méchant, ma fille. Comment ça, fille? Restez. Viens, posez ça à la couette, les prises. Oh. Allez, pêchez-vous, alors. Enfin, sensé, rien ne peut donc t'arrêter. Enfin, tu sais que ton mari a la puce à l'oreille. Il a une puce dans l'oreille? C'est une expression. Il sait tout, si tu préfères. Car en face, sans mon télégramme... Oh, yes, je tombais dans le bec du loup. Absolument. Seulement, on ne dit pas bec, on dit gueule du loup. Le loup n'a pas un bec, il a une gueule. Tout à l'heure, je disais gueule et tu disais bec. Tout à l'heure, tu disais gueule de gaz. Eh bien, pour gaz, on dit bec. Mais pour les autres animaux, on dit gueule. Simple petite observation en face. Eh bien, non, le rôle que tu me fais jouer est inadmissible. Je ne peux pas. Tu n'es pas raisonnable, je le sais pour toi. Hein? Oh non, Crépine, reste. Non, laisse-moi. Non. Eh bien, je vais me touiller. Encore? Oh. J'apprécie, mais c'est du chantage. Eh bien, touillez-vous et laissez-moi tranquille. All right. Je prends ma thé et je mourre. Et allez donc, mourdons. Vous prenez une tasse de thé? Hein? Je dis, vous prenez une tasse de thé? Si vous voulez. Oh. Une goutte? Deux gouttes? Ce que vous voulez, une cuillerée. Oh, c'est beaucoup. Oh, qu'est-ce que vous voulez, je suis très gourmand, moi. C'est égal. Une cuillerée avec quoi touiller tout un régiment. Ah, mais qu'est-ce que c'est donc? C'est du strychnine. Mais non, je voulais vous laisser ça. Non, je veux me touiller sur complètement votre zone. Maggie, non, c'est Maggie, je serai très gentil, je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras là. Oh, on vous dit ça. Non, tout, je te le jure. Yes? Oui, yes. Oh, ça va mieux. Oh. Non, puisqu'il le faut, finissons. Mais tu as raison, Maggie, assez lutté comme ça, allez, viens. Viens, je te désire. Ah, viens, je te veux. Ah, viens, Maggie. Ah, non! Non, comme ça, crétine, je voulais pas. Oh, flûte, moi, tu sais ce que j'en fais. Et puis si, tiens, là, je veux. C'est comme ça que tu refroidis mes élans. Oh non, taisez-vous, ferme ton gueule. Comment ton gueule? Voilà l'expression. Un homme, ça a une bouche, ça n'a pas une gueule. Ah, flûte, comme on dit. Vous le faites exprès? Quand je dis bec, c'est bouche. Quand je dis bouche, c'est gueule. Je sais pas, moi, c'est jamais comme je dis. Oh. Mais je vous en prie, attrapez-moi. Oh non, je ne te l'attrape pas. C'est pour le rire. Je te l'aime. Tu me l'aimes. Nous nous l'aimons. Attends, je vais pas là. Pas là? Tu ne veux tout de même pas que je reste dans cette tenue? Mais quoi, tu veux pas ici? Ici, devant vous? Oh, shocking. Bon, va. Ah, ce que ça me dit. Autant que de me ficher à l'eau. Ah, pauvre vatin. Tu t'es fourré là dans un engrenage. Et naturellement, le coup de la sonnette commence. Il s'est assis gentiment sur le lit et d'abord ne fait pas attention au bruit strident. Mais tout de même, il se demande ce qui se passe, relève la tête, écoute. Qu'est-ce que c'est? Il regarde enfin au plafond. Étonnant ce que les sonnettes de cet hôtel font vibrer. Lucienne apparaît avec Fontanac et disparaît aussitôt. Ça, par exemple, c'était du prodige. Quelqu'un n'a pas remis dans cette chambre. Enfin, j'ai bien entendu ce point. Naturellement, la sonnette s'est arrêtée dès que Vatelin s'est levé. Ce que c'est que l'illusion, j'avais senti le vent de la porte sur la tête. J'ai eu le cauchemar, il n'y a pas à dire. C'est cette damnée Maggie avec son thé à la strychnine. Je vais me sonner pour le faire enlever, son saleté. La femme de chambre, deux coups. Mazette. Elle n'aura qu'à voir encore des velléités, celle-là. Eh ben, elle n'est pas longue à venir, la femme de chambre. Entrez! Adieu! Ah, soldigne, avec ton chiol, mec! Joie feinte et un peu exagérée de Vatelin. C'est vous! Et qui danse devant le mari. Ah, vraiment! Ah, ça va, comment êtes-vous ici? Ah, ça vous intrigue, hein? Mon Dieu, et sa femme qui est là? J'étais en bas dans le bureau quand le groom que vous avez envoyé est venu dire si quelqu'un demande Monsieur Vatelin le faire monter chambre 39. Mais j'ai une fière idée d'envoyer ça au bureau. Figurez-vous que j'avais donné rendez-vous à cet hôtel à une personne qu'elle n'a pas pu m'attendre et qu'elle m'a prié de lui excuser. Oui. Elle a dû aller soigner son mère qui est très malade. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Merci beaucoup, je vous suis venu, j'ai malade, je suis très content, vous êtes malade. Qui? Vous? Non, pas moi, elle. Ah, elle? Yes, elle, la mère. La mère, la vieille dame, elle est malade. Alors que faire? Ah. Mon Dieu, me direz-vous, vous pouvez vous en aller. Vous en allez, mais comment, mon cher ami, je vous en prie. Mais non, c'est une hypothèse. Ah, c'est une hypothèse, c'est dommage. Non, je disais ça parce qu'en général, je sais que vous êtes un naturel pressé. Oh, yes, le jour, mais le soir, j'ai toujours les temps. Ça va être gay. Non, m'en aller, je puis justement pas, parce que je savais être cette soir à cet hôtel. Et j'avais donné rendez-vous à la commissaire de police. Au commissaire de police? Oui, vous savez bien que je fais passer ma femme cette soir. Est-ce qu'il se douterait? Mais elle n'est pas ici. Ma femme, je sais bien. Elle est 48 francs de part. Il ne sait rien. Le commissaire doit m'envoyer des nouvelles aussitôt que ce sera terminé. Oui. Et pour plus sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ah si, beaucoup, je vous disais malade, elle est malade. Mais non, plus maintenant. Ah, elle est morte, mais c'est toujours un pas de fait. Mais je disais ma femme. Oui, votre femme qui est là. Qui est là-bas, rue Roquépine. Yes, yes, il l'a fait filer. C'est ça, elle est partie, elle a filé. Le commissaire m'enverra des nouvelles aussitôt que ce sera terminé. Voilà, parfait. Mais qu'est-ce que vous l'avez à être agité comme ça? Moi, agité, pas du tout, j'ai l'air agité. Oui, vous êtes malade? Vous savez, un peu, très peu. Oh, colique? Hein? Il comprend rien du tout, colique? Hein? Ah oui, non, vous savez, entre les deux. Entre les deux? Oh, non, c'est l'état normal! Voilà, c'est plutôt ça, un peu d'état normal, mais ça ne sera rien. Oh, mon Dieu. Oh! Ça me suit, bras de Maggie. C'est Maggie. J'en ai très envie. Acheté un déshabillé. Partout la tête du mari. Vous avez vu? Et elle a disparu. C'est un bras. Telle est coquinasse. À qui ce bras? Je sais pas, c'est pas d'ici, c'est le bras du voisin. La gueule. c'est le vlad de votre femme. Voilà, vous l'avez dit, c'est le bras de votre femme. C'est du voisin qui est ma femme. Tiens, figurez-vous. Mais où êtes-vous donc? Voilà. Asseyez-vous là, pleine moi. Et le plat installé. Je vous fais mes compliments. Madame, un bras. N'est-ce pas? C'est ma femme, n'est-ce pas? Elle était dans une tenue. Oh, oui, vous avez bien fait. Je vais faire une partie de billard. Oui, je veux, très bien. Je n'ai que ce moyen-là de m'en débarrasser. D'ailleurs, laissez-nous de manger une madame. Vous êtes trop modeste, parlez pour vous. Oh. Je fais 5 carambolages et je lâche. Qu'est-ce que c'est encore? Entrez. Comment entrez? Ben, il en a un toupet. Ah, Rémillon, lui, je m'étais trompé de sac tout à l'heure. Vatelin se met à genoux, a l'air de chercher sous le fauteuil, sous la table, ahurissement de Rémillon, ahurissement de Soldignac. Finalement, Vatelin se cache. C'est moi. Un train que j'ai manqué, je vous expliquerai. Tenez, allez faire une partie de billard avec monsieur. Monsieur, mais je ne le connais pas. Monsieur Rédillon, monsieur Soldignac, allez faire une partie de billard. Non, je ne sais pas y jouer. Mais ça fait, il sait, lui, il vous montrera. Mais non. Pas du tout, d'abord, je suis pressé, je vous attends. Mais alors, vous asseyez pas, nous n'avons pas le temps. Allez, venez. Figurez-vous. Non, moi, que je traîne ça une autre fois. Ouais, mon chapeau. Est-ce qu'il a une donne chaud, ma parole d'honneur? Ah, voilà. Non, ne buvez pas. Ne buvez pas, nous n'avons pas le temps. Encore, mais il est embêtant avec ses entrées. Oui, c'est moi. Il y a au moins une demi-heure. C'est pour enlever le thé. Voilà. Et maintenant, filons. Ah, mon sac. J'étais venu chercher un sac. Ah, votre sac. Bah, tenez, prenez-le. Votre sac. Alors, celui-là, je le rapporte. Ah, bon. Alors, c'est celui-là. Je ne sais pas. Il est à vous. Non, il n'est pas à moi. Bon, alors, ça peut être celui-là. Probablement, oui. Allez, ce n'est naturellement pas celui-là. Maggie. D'où un nouveau quiproquo. Maggie. Oh, tu vas venir. Ils sont partis. Ah, mais partis. Ils sont là. Je dois les faire. Une partie de billard avec votre mari. Oh. Écoutez, pendant ma courte absence, ne bougez pas de cette chambre ou je vous enferme. Et j'emporte la clé pour plus de sûreté. Maintenant, si on venait, cachez-vous dans ce cabinet. Oh. N'en sortez que quand je serai venu vous y chercher. Oh. Est-ce qu'on peut... Oui, cachez-vous. Oh, come on, brother, you are mistaken. And I wish you may be young. Oh my God, que j'ai eu peur. Quand j'ai vu ma mari là, tout mon courage, elle est partie. Oh non, non, non, non, non. Oh non, je veux m'en aller. Ma costume! Mais où est-ce qu'il a fourré ma costume? Oh my God, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh, that's terrible, this is a... Vous entendez la voix de Pinchard. Pareil, ça. Oh, les... Ça se passe là! Ça se passe là! Allez, assieds-toi! Assieds-toi! Là. Sacrée crise hépatique, là. Il a fallu que ça leur prenne au théâtre. Nous avons dû partir avant la fin. Non. Oh. Mon sac. Oh. On l'a remonté. Ben, je savais bien que je l'avais laissé en bas, moi. Hein? Alors, ça ne va pas mieux? Tu as toujours mal? Montre ta langue. Elle n'est pas mauvaise. Sais-tu? Tu devrais te coucher. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui. L'anniversaire. 25 ans. Ah. Je lui prépare une potion calmante. Tiens. Ah. Oui, ma femme, merci. Ah. Les pantoufles. Tiens. Ici. Coco. Pantoufles. Hé hey, mule. Merci. Mon cœur au cou. Tiens. Au cou. Caracou. Merci. Ah. Elle avait fait abaisser. L'eau de l'homme. Voilà le loup de l'homme. Mon démêloir. Passe-moi mon démêloir. Le démêloir. Voilà le démêloir. Merci. Allez, préparons ça. Madame Pinchard en jupon, les cheveux sur les épaules, s'assied sur le lit pour se démêler. Le timbre placé sous le matelas à la place qu'elle occupe, vous l'entendez, se met naturellement à sonner d'une façon continue. Je voudrais bien savoir quel est l'animal qui s'amuse à sonner comme ça à cette heure-ci, moi. 4, 5, 6, 7. Voilà 6 gouttes. Oh, mais il commence à m'embêter, celui-là, avec sa sonnerie, là. Dis donc, je n'avais pas bientôt fini avant le sonneur. Assez, là, assez. Il y a des gens énormes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça cesse. C'est pas trop tôt, monsieur. Non, monsieur. Au revoir, monsieur. Salut bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a eu, Pacha? Rien. Rien. Bouge-toi. Il est tard. Je vais en faire autant. J'ai bien fait taire, moi, cet animal-là. Pendant ce temps, Madame Pinchard se couche sagement, et naturellement, la sonnerie reprend de plus belle. Et voilà qui recommence. Oh, mais c'est assommant à la fin, ça. Oh là là là là là là là là là là là là. Il va s'appuyer sur le lit pour retirer ses souliers et mettre ses pantoufles. Naturellement aussi, le timbre, tout de son côté, se met à sonner. Et cette fois, conjointement avec lui. Mais on voit là un second qui se met de la partie. Mais c'est pas possible. Il y a un concours de timbres dans l'hôtel. Oh, oh. Mais on n'a pas idée de pareil, Chaïveri. C'est Lucienne avec Pontagnac. Épouvantée de voir qu'elle s'est trompée puisqu'elle se trouve en face de Pinchard. Eh ben, où sont-ils? Où sont-ils passés? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, enfin? Non, mais c'est monsieur qui sort comme ça! Le gérant, la femme de chambre, Victor, tout le monde arrive. Est-ce que c'est moi qui sonne? Non, enfin, vous n'avez pas bien de fil, comme ça! La femme ne peut pas dormir! Vous n'avez pas bien de fil, monsieur, tout ce que là! Mais qu'est-ce que c'est tous ces gens-là? C'est tout le thème qui arrive. Et puis en veille le pauvre Pinchard, bien innocent. Qui voyez-vous que je sonne? Qui voyez-vous sonner? Est-ce que c'est ici qu'on sonne, monsieur? Allez, fichez-moi le pauvre. Voulez-vous me fiche le pauvre? Et tout à coup, Pinchard a compris, car il appuie sur le timbre, d'abord involontairement, puis volontairement. Ah, ça! Mais c'est dans le lit que ça sonne! Dans le lit! Dans le lit, absolument! Oh! En voilà! Une plaisanterie! Oh! Oh, je voudrais bien savoir! Quel est l'animal qui s'amuse à faire des faces ici pareil? Oh, je vais te dire, écoutez! Ça continue! Je vous parie qu'il y en a un autre sous le... sous ma femme. Oh. Elle était épouvantée en voyant tous les voyageurs. Mais non, après moi. C'est pas à toi qu'on en a. Oui, on voit un autre. Et ben en voilà une caserne. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a eu, Pacha? Elle a rien entendu. Et ben coco, t'en as de la veine, toi. Enfin, qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Rien. Rien. Oh, tu m'en fais peur. Mes douleurs commençaient à se calmer. Oh, les animaux. Voilà qu'est mon prise de plus belle. Sais-tu, tu devrais mettre un cataplasme. Quoi? Si tu mettais un cataplasme. Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à contre-jour. Je vois pas ce que tu me dis. Tu devrais mettre un cataplasme. Je crois bien. Ouais. Avec quelques gouttes de l'eau d'un homme, ça me ferait du bien. Oui, oui. Mais où aller le chercher? Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Il n'y a qu'à le faire. Attends. Ah, oh, quand je l'ai vu malade au départ, je me suis muni encore. Il restait une place de libre dans le sac qu'elle voulait y fourrer du pain et du jambon. Moi, j'ai préféré y mettre un cataplasme. Enfin, je vois que j'ai bien fait. Monsieur a sonné? Ah oui. Oui, cette fois, c'est moi. Je voudrais que l'on me fasse un cataplasme avec ça pour Coco. Enfin, pour madame, qui est souffrant. Non, mais monsieur, il n'y a plus personne à la cuisine. Naturellement, il n'y a plus personne à la cuisine. Tout à l'heure, c'était plein de monde ici, mais maintenant, il n'y a plus personne à la cuisine. J'ai bien un fourneau à gaz, au moins. Ah oui, monsieur, il y a un fourneau. Alors, c'est bien. Vous allez meubler. Je ferai le cataplasme moi-même. Bien, monsieur. Voulez-vous me permettre, non, monsieur le major? Non, je ne permets pas. Je l'ordonne. Ah, si jamais je te rencontre dans une infirmerie, toi, je t'en fourrerai une cataplasme moi-même. Hé, allons faire le cataplasme. Coco, je vais faire le cataplasme. J'en ai pour 5 minutes. Toi, tâche de t'endormir. Que je tâche de dormir? Oui, oui. Oh, si je peux. Bon. Je vois pas trop long. Non, allez, mon meilleur. La bruit, elle a fini. Et voilà, oh, mais qu'est-ce qu'il se passe donc ici? Et Vaclin qui ne revient pas, lui? Ah non, non, non, non, non. Ah non, je veux me habiller, que je m'en aille. Mais où a-t-il donc fourré mon billement? Oh. My God! Mais il y a quelqu'un dans le lit! Oh, suis-je bête, moi je tourne à l'envers, d'ouvrir, je ferme à double tour. Oh là là, quel ventouse que ce sol digne! J'ai cru que je m'en dépêtrerais pas. Allons, délivrer Maggie. On a ronflé là-dedans. Quand elle s'est couchée? Oh non, elle est étonnante, alors rien ne la trouble. Assez beau, la nature britannique. Ah, ma foi, elle dort, ne la réveillons pas, c'est autant de gagne et je vais en faire autant. Je vais me coucher bien doucement en ayant soin de ne pas la tirer de son reposant sommeil. Reposant pour moi. Donc croyez-vous qu'elles en ont des pieds, ces Anglaises? Ces Anglaises, c'est naturellement Monsieur Pinchard. Ah, presti, que j'ai soif. Vatelin enlève sa jaquette. Ben, il tombe bien, celui-là. Madame Soldignac, je connaîtrai votre pensée. Il boit. Oh, que c'est mauvais. Ah, Christy, que j'ai sommeil. Ah, allons, couchons-nous. Et doucement. Pour ne pas éveiller ma maîtresse. Et le voilà dans le lit. Sapristi, elle en prend de la place. J'ose pas la pousser, ça l'éveillerait. Il a gardé son chapeau de corbeau. Et le voilà à côté de Madame Pinchard. Attends, j'ai gardé mon chapeau. Elle me tiendra chaud au pied. Un tuyau de poêle. Oh, Christy, que j'ai sommeil. Je sais pas pourquoi il me semble que ça a augmenté depuis que j'ai bu ce verre. Qu'est-ce qu'elle a pu fourrer là-dedans? De la strychnine, comme tout à l'heure. De la strychnine. Merci, garçon. Merci. Voilà Pinchard avec le cataplasme. Qui es-tu, Coco? Tandis que Vatelin dort. Attention! Il va être réveillé brutalement par le cataplasme. Ah, arrêtez au nom de la loi, commissaire! Voilà, lui, il est mort, êtes la femme de monsieur. Quoi? Où se cache votre complice? Ma complice? Cherchez l'agent. Non mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mari. Mon frère. La loi. La nôtre, ma femme. C'est votre devoir, monsieur le commissaire. Et au milieu de ce cahier invraisemblable et magnifiquement agencé par les deux, vous vous en doutez, le rideau baisse sur le deuxième acte. Voici maintenant le troisième et dernier acte du Dindon de Georges Feydeau. Nous sommes cette fois dans le joli fumoir de Rédillon. Un fumoir très oriental, grand coussin par terre, divan confortable, et voici le brave vieux maître d'hôtel, Jérôme. Encore une jupe. Toujours des jupes. Il est incorrigible. Mais je me demande ce qu'il peut bien en faire. La voilà, la jeunesse d'aujourd'hui. On brûle la chandelle par les deux bouts. On court. Tout le monde court. Il n'y a que moi qui ne cours pas. Et ça s'appelle être dans le mouvement. C'est moi, Jérôme. Ben quoi? Il est 11h! Eh ben, il est 11h! Oui! Et voilà, là, la porte sur le nez. Un enfant que j'ai vu naître. Le respect s'en va. Et son père, mon frère de lait, qui m'a fait promettre en mourant de veiller sur lui. Mais, mon pauvre Marcelin, comment veux-tu que je veille sur ton fils? Est-ce que j'ai une action sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? C'est comme si je disais au prince de Monaco de veiller sur l'Afrique. Quand je lui fais de la morale, il me traite de vieille ganache. Et en fin de compte, c'est encore moi qui suis obligé d'être le brosseur des demoiselles qu'il ramène. Ah, enfin, il se débrouille. Ah ben, elle est grande, ta robe de chambre. Elle est grande pour toi, pas pour moi. Je te dis pas, mais comme c'est moi qui l'ai sur le corps, aussi cette idée de me rapporter successivement tous les sacs de nuit de l'hôtel, excepté le mien. Est-ce que je le connais, le tien? Enfin, dans le nombre, t'aurais pu avoir la chance de le rencontrer. Oh, eh ben. Eh ben, quoi donc, mon vieux? Quoi? Ça va donc pas? Si, si, mais je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit? Ben, ça vaut pas 6 heures de sommeil. S'il est permis de se mettre dans des états pareils. Qu'est-ce que vous voulez, Jérôme? Rien. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ah. Ernest, tu te rinces, mon garçon. Hein? Comment? Tu me fais de la peine. Mais voulez-vous me ficher la peine ou qu'est-ce qui vous demande quelque chose? Mais je n'ai pas besoin que tu me demandes, je te dis, tu me fais de la peine. Oui, bah tant mieux, là. N'a-t-on jamais vu? Je te demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Ben, il est plutôt familier. Ben oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle Delay. Ton oncle Delay? Autrement dit, c'est sa mère qui a nourri papa. Nous sommes parents par le lait, là. Eh ben, c'est égal. Ça fait un drôle d'effet d'entendre te tutoyer, toi, lui dire vous. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître et pas moi, hein. Oh, pisti que je suis fatigué. Eh ben... Décidément, mon pauvre Ernest, tu détiens pas le record. Jamais posé pour le champion de France. Oh, eh ben, tu fais aussi bien. On dirait que ça t'ennuie que je t'embrasse. Oh, non. Voilà, déjà. Oh, mais non, quoi, mais non, non, non, mais enfin, voyons, si tu... Repos. Ah, c'est bien ça, les hommes, ils sont gentils que la veille. Oh, roule sur lendemain. C'est gentil, ce que t'as là. C'est le portrait d'une propriété à toi. Ça, c'est le Capitole. Le Capitole. Ah, c'est donc ça, le Capitole. Eh ben, ça, c'est drôle, alors. Qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? C'est à cause de Schmitzmayer. Tu sais Schmitzmayer? Oh, oui, oui, oui. Je m'ennuie toujours avec. Il veut absolument, je sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête, que j'ai sauvé le Capitole. Toi? Eh ben c'est pas vrai, tu sais, je l'ai pas sauvé du tout. Je le connais même pas, alors. Eh ben alors? Eh ben non, il en démord pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille de sauvetage. Crois-tu qu'il en a? Une couche. Ah oui, alors. Et toi, crois-tu hein? Oh, chérie, ah, non, non, oh, non, écoute, chérie. Non, encore? Ah, mais je vous en prie, madame, ayez pitié. Ben, qu'est-ce qu'il a? Mais regardez-moi cette mine. Ah non, mais je vais me flanquer à la porte, vous savez. Oui. Oh, oh, mais ça m'est égal, je m'en irai pas. Eh, tiens. Bois ça. Non, là, bois. Ah, il m'en faut une patience. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coca. Du quoi? Du coca. Du vin de coca. Je vous en prie, madame, ayez pitié. Songez que c'est un enfant, il n'a que 32 ans. Et il n'est pas comme moi. Vous racontez tout bas, madame. Rien, rien, rien. Mais ouais, nous avons des secrets ensemble. Ah oui, voilà, ça ne te regarde pas. Je n'en parle. Il n'y a eu personne pour moi. Si. D'abord, t'as nommé Plus-Plus. Plus-Plus est venu? Oui, elle voulait absolument te voir. Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que tu étais avec ta mère. Alors, comme elle voulait t'attendre, je lui ai dit que quand tu étais avec ta mère, t'en avais généralement pour 3 ou 4 jours. Vous avez bien fait. Merci si nous nous étions trouvés nez à nez. Et puis, il est venu, monsieur Mondor. Ah. Mondor! Attendez donc. Mondor, Mondor. Non, non, non, non, tu le connais pas. Il a passé l'âge. Hein? Un marchand d'antiquité qui a son magasin à l'appartement sur le même palier que moi. Alors, quelquefois, quand il a eu l'occasion, que moi, j'aille pas. Ah, oui, oui, t'as raison. C'est Livaro que je voulais dire. Un espagnol, Livaro. Je savais bien que j'avais connu un nom de fromage. Eh ben oui, mais c'est pas le même. Et qu'est-ce qu'il voulait, le dit Livaro? Le dit Mondor, tu m'embrouilles, toi, dans tes fromages. Il m'a dit de te dire qu'il avait une nouvelle acquisition à te montrer. Une pièce rare, une ceinture de chasteté du 14e. Du 14e quoi? Et le sait, du 14e cocu, probablement. C'est tout? Oui, c'est tout. Attends, je vais ouvrir. Bon, ben, j'avais pas l'intention d'y aller. Si c'est une dame, je n'y suis pas. Hein. Ah, t'as pas besoin de me le dire. Ah non, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus. Alors, une histoire, Bernique. J'aime pas les peigner, moi. Me rhabiller, donc, si c'est une femme. Bonsoir, je file à l'anglaise. Mais non, madame, mais non, madame, mais non, il n'y est pas, je vous jure, c'en est une, fiche le camp. Mais non, madame, mais non, tenez, voyez-vous même si vous ne me croyez pas. Personne. Je vous répète qu'il n'est pas là. Ah ben c'est très bien dit que c'est madame Vatelin qui désire lui parler. C'est madame Vatelin. La femme de son ami, M. Vatelin, chez qui il va si souvent. Oui, parfaitement. Oh, mais alors c'est autre chose. Je vous demande pardon, madame, mais je vous avais pris pour une cocotte. Hein? Dis donc, Ernest, c'est Madame Vatelin. Qu'est-ce que vous dites? C'est Madame Vatelin! Le voici. Oh. Ce n'est pas possible. Vous, vous chez moi, comment? Oui, oui, moi. Ça vous étonne. Moi aussi, allez. Dites à la personne qui est là que je m'excuse de ne pouvoir aller la retrouver, mais qu'une affaire importante. Oui, enfin, ce que vous voudrez. Hein. Et une fois qu'elle aura fini de s'habiller, reconduisez-la. Compris, compris. On n'en croit pas. Très bien. Vous. Vous ici. Oui, oui, moi. Vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Enfin, si je suis ici, vous devez bien deviner. Quoi? J'ai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit d'adultère. Non! Oui. Dieu, et vous venez m'aimer? Oh, ça, je n'ai qu'une parole. Pauvre Rédillon. Que je suis heureux. Tenez, disposez de moi, prenez-moi, je suis à vous. Ah non, mon ami, non, pardon, c'est moi qui suis venu vous dire ça. Ah oui, oui, enfin, c'est ce que je voulais dire, oui. Quoi? Ah oui, oui, oui. Tenez, dissimulez-vous derrière moi, c'est une personne qui va passer. Il est inutile qu'on vous voie. Armandine qui disparaît. Après un gentil petit baiser de la main. Oui. Jérôme fait signe qu'il est parti. Ah non, croyez-vous le misérable? Qui ça? Comment qui ça? Mais mon mari, voyons. Ah oui. Je suis bête, je n'y étais plus. Oh. Oh, quand je pense que j'étais une femme fidèle, quand je pense que je repoussais les avances de ce pauvre Rédillon. Oui. Ce pauvre Rédillon. Plus souvent que je repousserai ses avances, il m'aime, eh bien je serai à lui, ce sera ma vengeance. Oh oui. Ma Lucien. Ma Lucien. Dis donc, je descends, je vais chercher deux côtelettes. Viens nous parler de côtelettes. Ah, Lucien. Ma Lucien. Ah oui. Oui, tiens. Et des haricots verts. Va vers la porte. Hé, des haricots verts. Puis revient. À la manie de me faire tous les jours des pommes de terre sautées. Je commence à en être saturé. Je vous demande pardon. C'est un vieux domestique de la famille. Il est un peu terre à terre. Ah, il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Oui, oh, si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Mais qu'est-ce que je vous disais donc? Hein? Je vous disais qu'il a la manie de vous faire manger des pommes de terre sautées. Ah non, non, avant. Avant. Vous disiez, ah, Lucienne, Lucienne. Ah, Lucienne, Lucienne. Ah oui, oui, ah, Lucienne! Lucienne! Dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Vous êtes bien à moi, rien qu'à moi. Oh oui, mon ami, à vous, rien qu'à vous. Ah, ah. Que je suis heureux. Tant mieux, mon ami, tant mieux. C'est une compensation entre le malheur des uns, faisant un peu le bonheur des autres. Oui. Il se blottit bien gentiment contre l'épaule de Lucienne. Tenez, appuyez votre tête contre ma poitrine. Oh oui. Non, attendez, attendez. Mon chapeau me gêne. Donnez-le-moi. Que je m'enivre de l'odeur de vos cheveux. Et il tient le chapeau à la main. Ah, vous sentir ainsi près de moi et tout à moi. Lucienne commence à trouver mais qu'évidemment, c'est un peu froid. Vous avez gardé mon chapeau comme ça tout le temps? Ah, c'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres. Ah oui, mon ami, oui, vengez-moi, vengez-nous. Oh oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de M. Vatelin. Je serai votre femme et vous m'épouserez. Oh oui, oui. Un homme à qui j'avais tout donné, ma tendresse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Le pauvre a de plus en plus sommeil. Ah non, non, écoutez, non, voilà. Ne me parlez pas de votre mari. Surtout en ce moment, là. Que son image ne soit pas là entre nous. Oh, ma Lucienne adorée. Je suis rentré. Mais on n'entre pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Allez-vous-en. Oui. Fermez la porte. Pourquoi t'as froid? Parce que je vous le dis. Et puis n'entrez plus sans que je vous appelle. Oui. Ah, j'ai pas trouvé de haricots verts. Je m'en fiche! Alors j'ai pris des pommes de terre. Je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille! Mais il se le tiendra pour dit maintenant, allez. Ah, Lucienne, laissez-moi vous serrer dans mes bras. Ah, vous m'aimez, vous? Si je vous aime. Non, maintenant, je suis pas bien comme ça. Je suis pas assez près de vous, là. Faites-moi une petite place à côté de vous. Voilà. Là, comme ça, je peux mieux vous presser contre mon cœur. Alors, la prédiction de la somnambule avait raison. Quelle prédiction? J'avais deux aventures romanesques dans ma vie. L'une a 25 ans, l'autre a 58. Et la première se réalise, j'ai 25 ans il y a 8 jours. Eh oui. Et c'est moi qui en suis le héros. Mais oui. Non. Non, non, attendez. Pas comme ça. Non. Oh non, mais non. Mais qu'est-ce que il vous faites? Il prend un des coussins. Prend un autre coussin qu'il met sur le premier. Puis, gentiment, pose sa tête sur l'oreiller. S'allonge toute son long sur le divan. Donc, comme ça, je suis mieux. Je vous vois mieux. Je vous ai mieux. Ah, Lucienne. Lucienne. Et puis, il s'est endormi. Eh bien! Elle l'a réveillé en sursaut. Quoi? Mais c'est tout? Comment c'est tout? Ah, ah oui. Oui. Ah. Ah, Lucien. Quelle fichue idée j'ai eue d'amener Armandine hier soir, moi. Ah. Ah, Lucien. Lucien. Ah, quoi, Lucien? Lucien, vous avez dire que ça? Non, Lucien, je ne sais pas si c'est le trouble ou l'émotion. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà l'homme qui vient me parler de son amour. Mais si, je vous aime. Seulement comprenez donc, Lucienne, j'étais si loin de m'attendre, moi. Alors le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et joignez à ça un scrupule d'honnête homme, qui ne durera pas, mais bien justifié, je m'en rends. Je songe à votre mari qui est mon ami. Or, lui faire comme ça un pied de cochon, ah non, non, non, laissez-moi m'habituer à cette pensée. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami. Oh, mais non, ça passera, je vous dis. Seulement donnez-moi le loisir de réfléchir. Venez demain. venez ce soir. Demain, ce soir, mais pas du tout, mais mon mari va venir tout à l'heure. Quoi? Je veux quand il viendra que ma vengeance soit consommée. Votre mari, ici? Mais naturellement, je lui ai écrit un mot. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour. Et si vous en doutez, venez à midi chez votre ami Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Mais c'est de la folie, ça! Eh bien, nous allions en faire une jolie boulette. Et c'est drôle, j'en avais l'intuition, moi. Ah, Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est encore? Madame Pontagnac. Parfaitement, moi. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir si tôt, n'est-il pas bon? Hier, monsieur Rédillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari. Et je viens vous dire, vengez-moi, je suis à vous. Eh bien, monsieur Rédillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Hein? Vous dites? Oh, que je suis embêtée. Mon Dieu, que je suis embêtée. Oh non. Oh, mais pardon, non. Madame, vengez-moi, je suis à vous, vous en usez bien librement. Comment, madame? Mais c'est convenu avec monsieur Rédillon. Oh, mais permettez, madame, j'étais là avant vous. Oh, c'est possible, madame, mais je vous fais remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Rédillon. Vous l'avez retenu, madame, voilà qui m'est bien égal. Madame! Oh, madame. Non, alors qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Oui, c'est vrai, au fait, parlez donc, vous. Mais justement, parlez. Mais certainement, je parlerai. Ah non, c'est étonnant, ma parole. Non, vous avez à vous plaindre de vos maris respectifs, alors moi, il faut que je... Enfin, non, mais... Est-ce que vous me prenez pour le délégué en présailles conjugales? Enfin, voyons, laquelle des deux? Oui. Eh bien, ni l'une ni l'autre, là. Hein? Allez, bonsoir. Oh, oh! Dis donc. Quoi? Plus. La voilà revenue, elle veut te voir. Plus aussi? Non, on en est assez à la fin. Oh non. Non, je ne vois pas par dit que je suis mort. Rédillon! Monsieur Rédillon! Fermez. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause. Oh, permettez, madame, c'est vous. Comment c'est moi? Vous devriez comprendre pourtant, madame, combien cette démarche m'est déjà pénible. Mais madame, croyez-vous que je suis ici par plaisir? Ah, merci. Si je n'y étais poussée par le devoir de me venger. Mais moi aussi. Ben, vous ne savez dire que ça et moi aussi. Mais enfin, madame, que voulez-vous que je dise puisque notre situation est la même? Oui, et voilà à quelle compromission nous réduisent nos maris. Non, c'est dur pour des honnêtes femmes. Madame, il y a là un jeune homme qui demande madame Vatelin. Un jeune homme qui me demande, qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari. Ah oui, c'est ça que vous appelez un jeune homme. Mais il est jeune pour moi. Songez, madame, que je devais être déjà majeur quand il était encore à la mamelle. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut donc, mon mari? Ah, mais je ne sais pas, madame, c'est après moi qu'il demande. Oh, au fait, il arrive bien, j'avais besoin d'un vengeur. Hein, quoi, vous voudriez que... Oh, ne craignez rien, madame. Comme ce n'est que pour donner le change à mon mari. Oh, alors? Madame, me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Soit, aussi bien cela me donnera un grief de plus contre lui. Bon, c'est très bien, madame, merci. Tenez, prenez ça, je vous en prie, et entrez là. Et vous faites entrer, monsieur Pontagnac. Bien, madame. J'y comprends rien du tout. Mais monsieur, si vous voulez vous donner la paix, je vous en prie. Seul? Oui. C'est vous qui me demandez? Oui, c'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Et Rédillon? Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Mais en fait, que veut dire cette façon de me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Je veux me mettre entre Rédillon et vous. Vous disputez, vous arrachez à lui. En fait, de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment? Par amour pour vous, je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins. J'ai deux flagrants délits sur le dos. Flagrant délit où je ne suis pour rien. Pincé par un mari que je ne connais pas pour une femme que je ne connais pas. Passé par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorce chez moi en perspective. Un autre divorce de la dame que je ne connais pas, avec le monsieur que je ne connais pas, où je vais être impliqué comme complice. Enfin, les ennuis, les procès, le scandale, tout. J'aurais tout encouru. Et tout cela pour vous jeter dans les bras d'un autre, c'est lui qui récolterait. Et moi qui serais le dindon. Non, vous ne voudriez pas. Attends un peu, toi. Oui, là, comme ça se trouve. Figurez-vous que tout à l'heure, en venant ici dans mes idées de vengeance, je me suis dit, mais après tout, pourquoi Rédillon? C'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur la fidélité de mon mari. Mais absolument! Si quelqu'un doit me venger, c'est lui! Non, est-il possible? Alors, si je vous demandais... Si vous me demandiez... Mais vous savez bien que je serais le plus heureux des hommes! Oui! Eh bien, monsieur Pontagnac, soyez le plus heureux des hommes, c'est vous qui serez mon vengeur! Mais non! Oui! Est-il possible? Et sachez du rayon! C'est Rédillon! Oh. Quel raffinement! Il regarde Lucienne avec passion. Elle enlève son petit mantelet. Lui enlève ses gants. Elle a dénoué ses cheveux. Un grand regard romantique de part et d'autre. C'est lorsque j'étais ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Ah, oui. Belle. Belle comme la princesse de Bagdad. Ah bah tiens, justement, je l'ai relu ce matin. Ah oui, pour que faire? Je n'ai pas l'habitude de ce genre de vengeance, alors je voulais être dans la note. Et vous m'aimez? Profondément. Ah tiens, on dirait qu'il sait le texte. Toute votre vie sera à moi. Oui, toute ma vie. Oui, c'est très bien. Allez vous asseoir. Comment que je m'assois? Mais je croyais... Oui, non, mais je dis le contraire. Mais s'il ne me convient pas comme ça tout de suite, s'il me convient justement de choisir mon moment, de me faire désirer, j'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes caprices. Je dis, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous ai obéi. À la bonne heure. Enlevez votre jaquette. Plaît-il? Je dis, enlevez votre jaquette. Je ne peux pas vous voir avec, vous me rappelez mon mari. Ah. Seulement, je vous préviens qu'en dessous, je suis en bras de chemise. Oui, bah, ça n'a pas d'importance. Vous asseoir là, près de moi. Vite, il va vers le divan. Fait des gestes convulsifs. Mais qu'est-ce qu'on attend? Mon bon vouloir. Ah. Oh, tenez, retirez votre gilet, vous ressemblez aux déménageurs, comme ça. Comment vous voulez que je retire mon gilet? Mais je vous en prie. Son gilet. Le voici en chemise. Venez là, tout près de moi. Me trouvez pas un peu ridicule comme ça? Oh, ne vous inquiétez pas de ça. Oh, c'est laid, ça. Ça tue qu'il est là. Là. Oh, c'est comme cette coiffure, mais qu'est-ce qui vous coiffe comme ça? On dirait une coiffure de maître d'hôtel. Hein? Tournez-vous. Là. Voilà, au moins comme ça. Vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Oui. Oh, on lui ciel, lui ciel! Eh bien, bien! Non, je vous en prie, hein, tenez-vous quand il n'y a personne. Je ne suis pas de bois, moi, que voulez-vous? C'est pas bien, n'est-ce pas? Non. Riche. Qui prend un journal. Mais quelle drôle de façon de comprendre l'amour. La petite République. Ah, il y a une première à déjà dès ce soir. Ah. Vous y allez? Non. Ah. Non, je vous en prie, restez assis. Enfin, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça? Je ne sais pas, déjà mon mari peut-être. Votre mari? Tant mieux, ma vengeance sera complète. Ce sont eux, cachez-vous. Me cacher, oui, c'est qu'on me dispute à mon mari lui-même. Certainement, mais... Voilà, je vous ai rendu à la face. Ouvrez, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Maintenant ou jamais. Ah mais non, ah mais non, mais non. Ouvrez, voyons, brise la glace. Attends, fais la glace. Misérable. Que personne ne vous. C'était vrai. Mais monsieur. Encore vous, monsieur. C'est bien souvent. Mais je ne comprends pas, je rendais visite à madame. Dans cette tenue, habillez-vous donc, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Madame, je suis le commissaire de police de votre arrondissement et je viens à la requête de monsieur Crépin Vatelin, votre époux. Ah non, non, non, non, pardon, je vous interromps. Un flagrant délit chez moi. Pontagnac! C'est très bien, monsieur le commissaire, je connais la tirade. Je l'ai lue ce matin. Aussi bien vais-je vous faciliter la besogne. Monsieur Pontagnac peut dire ce qu'il veut pour essayer de me sauver, c'est son devoir de gentilhomme. Mais moi, j'entends que la vérité soit connue de tous. Rien ne m'a attiré ici que ma volonté et mon bon plaisir. Et si j'y suis venue, c'est pour y retrouver Monsieur Pontagnac, mon amant. Et à vous. Je vous autorise, Monsieur le commissaire, à consigner cet aveu au procès-verbal. Oh. À mon tour maintenant. Ma femme. Veuillez également consigner, Monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez trouvé dans cette maison où j'étais venue comme madame, pour retrouver mon amant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Adieu, monsieur. Oh, malheureux. Veuillez rester, monsieur, nous avons besoin de vous. Mais vous avez entendu, monsieur le commissaire, elle a un amant. Mais où est-il, ce misérable? Que je l'étrangle, que je le tue! Oh, mais il veut faire du mal à mon Hermès, à mon enfant! Mais qu'il se montre donc, cet amant, si ce n'est pas un lâche! C'est moi! Vous? Qu'est-ce que vous dites? C'est toi, je te sauve. Eh bien, monsieur, nous nous reverrons votre carte. Je n'en ai pas. Mais je suis Jérôme, valet de chambre d'Ernest, de mon petit Ernest. Un valet de chambre? Voyez-vous pas qu'on se moque de vous et madame Pontagnac elle-même? Ne comprenez-vous pas que c'est là un jeu de femme outragée et non le fait d'une épouse coupable? Je saurais. En attendant, nous avons besoin de votre présence. Où y a-t-il de quoi écrire? Par là, monsieur. Merci, monsieur. Veuillez me suivre, madame et monsieur. C'est bien. Allons. Eh bien, en voilà un gâchis. Oh, allons, allons, voyons, Vatelin, allons, allons. Oh, mon ami, c'est effrayant ce que je souffre, c'est là, pan, pan, pan, pan, pan. Mais ben, ça ne sera rien, ça ne sera rien. Ça sera rien pour vous, mais pour moi, oh, parbleu. Il s'agirait de l'épouse d'un autre, ça me va bien égal. Mais penser qu'on a une femme légitime et que c'est précisément elle qui vous trompe, c'est dur, allez. Vatelin, voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié? Oh, j'en prie. Eh bien, Vatelin, mon ami, vous êtes un serin. Ah, vous croyez? Oh, absolument. Un serin trompé, alors? Mais non, pas trompé! Mais c'est justement en croyant cela que vous êtes un serin! Enfin, voyons. Est-ce que le seul fait de vous avoir écrit « Venez chez Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » n'aurait pas dû suffire à vous éclairer? Enfin, une femme qui trompe son mari n'a pas pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation! C'est vrai, mais alors? Mais alors, si elle le fait, c'est qu'elle a une raison. Celle d'exaspérer la jalousie de son mari. Je vous dirai comme le commissaire tout à l'heure. Ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Mais tout l'indique, voyons, enfin, cette affectation à s'accuser, oui. cette mise en scène, oui. ce costume flagrant délit, oui. ce choix de Pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Oui. Enfin, j'en suis quelque chose. Puisque c'est à moi qu'elle est venue proposer le rôle, que j'ai refusé. Ah. Et pour cause. Oh, oh mon ami, mon ami. Et vous avez donné dans le panneau, vous n'êtes guère tacticien. Je suis avoué. Oh, que je suis content, que je suis content, je suis content. La joie fait peur. Oh, je suis content. Allons, allons, mon ami, calmez votre joie, voyons, allons. Oh, mon ami, je vous en prie, soyez pour aller trouver ma femme. Dites-lui que je n'aime qu'elle. Faites-lui comprendre ce qu'est la vérité. Quel est en moi le plus fidèle des mailles? Ah, après votre équipée d'hier soir? Oh. Ah ben, j'aurais voulu que vous y assistassiez, à mon équipée d'hier soir. J'aurais craint d'être indiscret. Oh, vous auriez pu venir, allez, allez, sacrée anglaise, avec des pieds. Non, j'aurais dû vous apporter une de ces bottines. Moi qui jamais, en dehors de cette aventure d'outre-manche, je sais bien que c'est idiot de raconter ça, moi qui jamais n'avais trompé ma femme, il a fallu qu'une fois, à Londres, un mois d'absence, pas de ma femme, on n'est pas de bois. Je pensais au moins que ça en était fini, bien non, elle est venue me relancer hier jusque chez moi. J'ai eu peur de troubler le bonheur de ma femme, j'ai cédé, voilà. Ah. Quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Ah, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Je sens que je la convaincrais. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main et j'entendrai sa voix dorée me dire « Mon crépin, je te pardonne. » « Mon crépin, je te pardonne. » Toi, oh, vous êtes bien tous les deux. Oh, bravo, Agnon, il était bien beau. Le procès verbal est terminé. Si vous voulez en prendre connaissance... Le procès verbal, mais il n'y a plus de procès verbal. Vous le déchirez, le procès verbal. Allons, monsieur le commissaire, allons déchirer le procès. Mais qu'est-ce qui m'a donné des girouettes pareilles? Mais bien. Eh bien. C'est remis. C'est remis. Et moi, alors? C'est fini? Ah, vous savez ce que m'a dit la somnambule? Je dois avoir deux aventures dans ma vie. La première est passée, l'autre à 58 ans, si ça vous tente. 58 ans? Oh, bah dites donc. Ah non! Ah non, ce n'est pas pour vous. Vous serez toujours charmant. Non, c'est pour moi. Je serai bien fatigué. Toujours, alors? Voilà, ça y est, c'est réglé. Ah, quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Non, je n'ai pas de rancune. Et la preuve, je donne à dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles? Bah, comment vraiment? Nous sommes en trompe. C'est le jour où ma femme dîne chez sa mère. Ah, avec plaisir. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. C'est égal. Si quelquefois la fantaisie vous reprenait, prévenez-moi la veille. On déjeune pas, là! Merci, si, si, si, si. C'était écrit, je suis le dindon. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vient de vous présenter par transmission différée la transmission des spectacles de la Comédie française à Luxembourg, à Paris. Vous avez pu entendre Le Dindon, comédie en trois actes de Georges Feydeau, avec le concours de Messieurs Jean Meyer, Louis Seignier, Jacques Charon, Robert Manuel, Robert Hirsch, Georges Baconnet, Marco Béard, François Vibert, Tony Jacot, Michel Galabru, Jean-Paul Roussillon. Avec Mesdames Gisèle Casadesus, André Le Chauvron, Denise Noël, Marie Sabouret, Françoise Angèle et Geneviève Martinet. Mise en scène de Jean Meyer. Nous vous rappelons que M. Charles Lemont assurait la présentation de notre transmission.